Bonsoir à tous et à toutes. Donc, merci d'être venus pour cette première causerie de l'année 2018. Alors, on a réinvité Claire, qui est venue il y a déjà deux mois, au mois de novembre, c'était. Mais bon, c'était pour nous parler aussi d'histoire, parce que Claire, ceux et celles qui ne la connaissent pas, est historienne. Elle a travaillé beaucoup sur les Tziganes, les Roms, sur le mouvement ouvrier à Lyon, entre autres. Sur le féminisme aussi. Et puis là, elle va nous... Alors, cette année 2018, qu'est-ce que c'est? C'est le cinquantenaire de mai 68. Donc, vous allez subir des dizaines de bouquins de merde. Avec... Parce que 90% des gens qui vont publier des livres ont retourné leur veste. Donc, c'est pour ça qu'on a fait ça en janvier très vite, parce que c'est un des meilleurs livres sur le sujet qui est paru. Il y en aura quelques-uns de bien, et Jean-Pierre Duteuil qui réédite son bouquin sur Nanterre, là, une édition revue et corrigée. Et puis, mais déjà, il y a des bouquins sur mai 68 à Bordeaux, à Lyon, donc, qui sont faits très journalistes. Alors, il y a des expos aussi qui sont prévus à droite à gauche, il y a des bibliothèques qui vont récupérer des documents. Bon. Alors, l'originalité, c'est que, bon, s'il y a pas, si mai 68, ça apparaît quand même dans le titre, mais bon, comme Claire va développer le sujet, c'est le mouvement à Lyon a été un peu, bah, il n'y avait pas qu'à Lyon, mais à Lyon, il y avait ce qu'on appelait les trimarques, qu'on appelait zonards, catanguais ailleurs, et je te laisse la parole tout de suite. Juste préciser que Claire, quand même, démarre une tournée internationale sur mai 68. Elle va à Lyon. J'étais pendant 15 jours en Grèce. En Grèce. Chez les Grecs, tout le mois de juin, avec Jean-Pierre Duteuil. Avec Jean-Pierre Duteuil. Avec Jean-Pierre Duteuil et Thomas Chivanès, de squat en squat. Ah, c'est cool, ça. Il n'a pas prévu un opérateur. Ah, mais si, mais on veut de squat en squat, Athènes, Épire, Thessaloniki, Crète, enfin, bon... Et nous allons fêter mai 68 en mai 2018. Je vais fêter au fond des bois. Je suis invitée à la ZAD de Roibon. Ah, oui. Fort occupé de Roibon. Donc, on ne pouvait pas trouver mieux pour fêter les 50 ans de mai 68 au fond des bois. Ça c'est chic. Roibon, c'est près de Grenoble. C'est entre Grenoble et Romans, et c'est un projet de Center Parks, donc une aura de logement et puis d'attraction, et puis surtout ça va démolir des belles zones boisées, des zones humides. Qu'on appelle la ZAD de Roibon. Roibon, R-O-Y-B-O-N, c'est au-dessus de Grenoble. Oui, on va ramasser les chevaliers. C'est ça. Ça doit être Dromisère, la limite entre les deux départements. Je ne sais pas ce que c'est comme ville, mais je... C'est entre... Il y a Saint-Marcelin qui est pas loin. Zone occupée de Roibon. Bon, alors, démarrons le sujet. Alors, écoutez, oui, bien entendu, l'action se passe pendant mai 68 et on est au cœur de l'enjeu de mai 68 avec ce livre à l'époque et aujourd'hui. Ça, c'est certain. Mais après, selon les choses qui vous intéressent plus les uns ou les autres, on parlera plutôt de tel aspect ou de tel autre aspect, parce que dans ce livre, il y a beaucoup de monde et il y a plusieurs livres. Je m'explique. Ce livre, je l'ai commencé, j'étais encore à Marseille, lorsque j'ai trouvé dans l'héritage des papiers de mon père un manuscrit dont j'avais complètement oublié l'existence. Ce manuscrit était... le livre original qui devait être publié aux éditions Champs Libres en 1971, de trois personnes appelées trimarques. Je vais vous expliquer qui sont ces trimarques. Trois personnes interviewées qui racontent leur vie et qui témoignent au sortir de prison. Trois personnes qui ont été incarcérées de juin 68 à septembre 70, au motif qu'il serait responsable de l'assassinat d'un commissaire de police sur un pont pendant les barricades du mois de mai 68 à Lyon. Ces personnes, nous les avons défendues, nous, j'ai fait partie de cette défense, ils sont passés en cour d'assises du Rhône, ils ont été acquittés, deux d'entre eux, car le troisième est mort de manière suspecte dans la rue. Il n'a pas pu être jugé. Et dès qu'ils sont sortis de prison, qu'ils ont été acquittés en cour d'assises, nous les avons interviewés de sorte à faire un livre avec eux. pour que pour la première fois de leur vie, des gens qui donc sont considérés comme analphabètes, débiles, déficients mentaux, et évidemment, aucune surface sociale ni rien du tout, que ces gens prennent enfin la parole. Donc c'était ça le manuscrit que je retrouve il y a quelques années dans les affaires de mon père. Et je le lis, et soudain je me rappelle absolument toutes ces campagnes, et je me dis, il faut absolument publier ce manuscrit. Donc nous partons de là. Bon. Donc le manuscrit original, c'était l'interview de Michel Raton, un primard, l'interview de Marcel Munch, un autre primard, l'interview des parents de Michel Mougin, le troisième trimard, celui qu'on a retrouvé mort dans la rue, une chronologie des événements de mai 68 à Lyon qui remet les pendules à l'heure, et il y avait également un article d'un journaliste de Europe 1 qui raconte la nuit des barricades à Lyon, une préface préparée par Françoise Routier, je vous dirai qui c'est, et il y avait un énorme dossier que je n'ai pas intégré là par contre, qui était une présentation critique de la presse à l'époque, parce qu'il voulait, comment vous dire, les auteurs originaux de ce manuscrit original, voulaient démontrer comment on fabrique de manière fausse un fait divers, erroné en fait, une falsification, comment on falsifie une histoire. Voilà, ça je ne l'ai pas mis, c'était un énorme dossier, bon très bien. Alors, ce manuscrit original, nous avons pris le parti avec les éditeurs de le mettre En fin de volume, mais ça fait fin de volume, ça fait beaucoup de pages, hein, mais enfin, il est là, tel quel. Mais pourquoi ce manuscrit original n'a pas été publié? C'était Gérard Guégan, l'interlocuteur des éditions Champs Libres. Pourquoi il n'a pas été publié? Parce que, au moment de la signature du contrat, Michel Raton, inculpé principal de ce procès, nous déclare: je ne veux plus être publié. On m'a dit que vous étiez des agents de la police. Et je ne veux plus être publié car ça va m'attirer des ennuis. Alors tout le monde est complètement décontenancé et lui dit: bon ben écoute, on te garde notre amitié, si tu changes d'avis, préviens-nous. Et le livre n'est pas sorti. Tout en se disant, les gens qui l'avaient préparé, même sans l'interview de Michel Raton, ça vaut quand même le coup, car enfin ces gens-là n'ont jamais l'occasion de parler. Donc nous en étions là. Je prends ce manuscrit, je commence à le repréparer. D'ailleurs, une amie qui n'est pas là mais viendra bientôt, Judith Martin, m'a aidée à taper le début du manuscrit. Et puis en le tapant, je me dis: mais tu peux pas aujourd'hui donner ça brut de coffre comme ça aux gens, personne ne va rien comprendre. Il faut que tu fasses un petit appareil critique quand même, expliquer de quoi il retourne. Bon. D'un autre côté, mon amie intime, Françoise Routier, la mère de quelqu'un que certaines personnes du CIRA connaissent très bien, puisque c'est la mère d'Arnaud Massé. Françoise Routier, qui était mon amie intime, mais aussi notre emblème à Lyon, au mouvement du 22 mars, me dit avant qu'elle ne meure: je te donne mes archives, tu les déposeras dans un lieu ad hoc. Françoise Routier était une personne exceptionnelle. Ça existe dans la vie, les gens exceptionnels. Elle était une personne exceptionnelle. C'était une femme née en 1940, décédée à Paris en 1995. À l'âge de 16 ans, elle adhère au Parti communiste. Elle devient tout de suite oppositionnelle. Et dès 1960, elle adhère à l'UEC. Elle devient amie avec tous les militants de l'UEC des années 60, dont notamment Félix Guattari, qui devient un ami très proche d'elle. Un autre psychiatre de Labor, qui a été son ami intime, Jean-Pierre Muyard, et d'autres, etc. Et puis, comme tous les militants des années 60, qui ne sont pas nés anarchistes ou biberons, elle fait toutes ces écoles d'opposition les unes après les autres dans les groupuscules, et elle arrive jusqu'en 66, au moment où la JCR, Jeunesse communiste révolutionnaire, se crée, elle adhère à cette JCR. Mais, 6 mois plus tard, elle entre en conflit avec les chefs de la JCR à Paris, et donc elle devient dans l'opposition à cette JCR. Et elle se définissait comme luxembourgiste. Luxembourgiste, c'est important, parce que c'est marxiste, mais c'est marxiste non-léniniste. Si bien que, lorsqu'arrive mai 68, 1er mai, elle autodissout cette JCR, ils sont tous luxembourgistes comme elle, elle s'autodissout, et avec le groupe Bakounine, qui est lui-même un groupe dissident de la Fédération anarchiste à Lyon, c'est tous des fuyards, ils ont tous quitté la R. Ensemble, ils créent le mouvement du 22 mars. Ouais. Le mouvement du 22 mars de Lyon, c'est ça. Ce sont ces gens-là, plus un ou deux inorganisés et quelques lycéens comme moi ramassés à coups de slogans peints sur nos murs. Par Sylvain, la passion de la destruction est une passion créatrice. C'est du Bakounine, ça. Ça suffit pour vous transformer une existence. Alors, voilà ces gens. Donc, finalement, ça a été 3 ans de travail. Finalement, voilà ce que j'ai fait. J'ai évidemment trié et inventorié les archives de Françoise, qui étaient monumentales. Et il y a toute une partie donc, que je n'ai pas touchée, tout ce qui concerne les oppositions, les débats internes au Parti communiste, tout ça, ça me rase, je m'en fous, je n'ai pas touché à ça, mais j'ai pris à partir de 66, quand on commence à approcher des échéances immédiates de mai 68. Bon, 66, il y a un dossier énorme sur la JCR, avec des tas de notes, leurs débats, etc., etc., et puis 68. Et alors, sur 68, cette femme... Elle avait 11 ans de plus que moi, c'est-à-dire moi j'avais 17 ans en 68 et elle, elle en avait déjà 30. Et vous savez, ça change tout devant un moment insurrectionnel. Si vous avez 30 ans ou si vous avez 17 ans, c'est quand même pas pareil, évidemment pas. Et elle, Françoise, elle préparait l'agrégation. Et je me rappelle très bien, elle l'a boycottée. Et elle ne l'a donc jamais passée, cette agrégation, parce qu'elle devait la passer, l'agrégation de lettres classique, en mai 68. Comme elle l'a boycottée, elle ne l'a jamais passée. Elle est restée au lycée, prof capétienne, pas. Eh bien, figurez-vous qu'elle avait tellement de présence d'esprit qu'à la faculté occupée de Lyon, il y avait une salle qui avait été réquisitionnée par les occupants pour être le poste de commandement. Appelons ça. Ça, bien sûr, ça ne s'appelait pas comme ça. Le centre de coordination des luttes. Bon. C'était une salle plus petite que ça, et on collait au mur des tas d'informations. Telle usine demande 2 étudiants du 22 mars pour discuter, rendez-vous tel jour pour distribution de tracts à tel endroit, sur tel marché, etc., etc. Bon. Et quand on a été expulsé de la fac, quand la fac a fermé, qu'il a fallu la rendre aux autorités officielles, Françoise Routier a la présence d'esprit de ramasser tous les papillons manuscrits du centre de coordination de la fac et de les garder. Et dans ces archives, j'ai trouvé toutes les petites notes de l'occupation sur le vif. Attention, tel numéro de voiture est une voiture de flic. Attention, à tel angle, ça craint, on se fait ramasser. C'est extraordinaire, ces archives. Et puis des tracts. Des tracts. Et donc, j'ai pris parti de présenter mai 68 à Lyon uniquement à partir des archives de Françoise. Donc, il n'y a pas tout, parce que c'est subjectif, c'est partiel. Mais ça ne fait rien. Je n'ai pas éprouvé le besoin de transformer la vision qu'elle avait avec une autre vision. Donc, il n'y a pas tous les tracts, il y a des choses qui sont absentes, mais il y a suffisamment d'universitaires bien pensants et objectifs qui vont nous faire ça très bien. Ce n'est pas mon propos. Moi, je suis restée dans la ligne, finalement, à l'intérieur du mouvement. Comment le mouvement a produit. Voilà. Et vous verrez, c'est déjà beaucoup. Aux archives de Françoise, dans ces archives, j'ai trouvé, entre autres, évidemment, des cartons de correspondance, bon, qu'elle avait tout classé, bon. Mais dans les archives de Françoise, j'ai trouvé toute l'histoire du Comité lyonnais pour la libération des prisonniers politiques de mai 68. Car nous avions décidé que nos trimards, sur lesquels je vais revenir, étaient des prisonniers politiques. Et ils l'étaient. Ils se font arrêter en juin 68. On les accuse de la mort du commissaire de police sur un pont pendant l'émeute de mai 68. Ça s'appelle des prisonniers politiques, quand même. Bon. Donc nous, on crée le comité lyonnais pour la libération des prisonniers politiques de mai 68. Et je trouve dans les archives de Françoise toute l'histoire de ce comité. Tout ce qu'on a fait, les écrits, comment on s'adresse, à qui soutient, qui ne soutient pas, enfin, j'étais un peu noyée, ça a été un boulot de fou, mais enfin bref, voilà, c'est fait. Donc, un deuxième livre, si vous voulez, vient enrober le manuscrit original. Bon. Et puis tout d'un coup, je me dis, mais quand même, c'est trimard. Il faudrait quand même savoir qui c'est, ces gens-là. Parce que nous, quand on manifeste, on ne demande pas à notre copain manifestation qui est à côté de nous, on ne lui demande pas sa carte d'identité. On se cause, parce qu'on est tout de suite en fraternité. Mais les flics, quand ils nous arrêtent, eux, par contre, ils nous demandent nos papiers d'identité. Et ils le notent, car la police, n'oubliez pas, ce n'est pas seulement des matraques, c'est une administration d'État. Et une administration, ça fait quoi? Ça écrit. Ça écrit des informations. Et c'est avec ça que nous, les historiens, nous faisons l'histoire sociale. C'est avec les travaux, pas seulement, mais aussi des polices politiques. Donc, moi je me dis, mais mes primards, qui est-ce? Je voudrais essayer de faire un portrait sociologique de ces gens-là. Qui sont ces gens-là? Qui peut me le dire? La police. Puisque, il n'est pas question pour moi de les trouver. Michel Raton, il est décédé, déjà pour commencer, premièrement. Marcel Munch, je l'ai cherché partout, je ne l'ai pas retrouvé. Michel Mougin, on l'a trouvé mort dans la rue. Bon, moi je ne sais pas où les... Et les 14 de Bordeaux, on en parlera tout à l'heure. Moi je ne sais pas où les prendre, donc. Je ne peux pas imaginer aller les trouver, ces gens-là, en personne. Donc, la police. Alors donc, qu'est-ce que je fais? Je vais aux archives. Je discute avec les archivistes. Ils savent que je suis historienne, ils voient ma bibliographie, et je leur dis voilà ce que je cherche, et alors on regarde qu'est-ce qu'il y a comme archive, et ils me disent voilà, tout ça, ce n'est pas accessible au public. Bon, ben, je dis bon, ben, vous allez demander une dérogation. Je demande la dérogation. Et alors moi, j'étais certaine que je ne l'aurais pas. À Lyon, j'avais des raisons de penser, la police ne me donnerait pas de dérogation à moi. Eh bien, elle me le donne. Alors là, j'en revenais pas. Non, mais là, j'en revenais vraiment pas. Parce que normalement, c'est combien, 70 ans? C'est 50 ans. 50 ans? C'est 50 ans, mais bon, c'est quand même un peu aussi à la tête du client, quoi. Donc, un peu. Par exemple, on a un copain d'ultra-gauche, Michael Zeidman, qui est un historien, bon historien. Lui, il a eu accès aux archives, c'était un ami. Il a eu accès aux archives de mai 68, il y a 10 ans de ça. Il a déjà publié un livre, bon. C'est un peu à la tête du client. Donc, bref, je l'ai eu. Alors là, je me suis trouvée devant un monstre d'archives. Et je peux vous dire que faire les archives des ovalistes, l'histoire de la grève de femmes de 1869, et celle des trimards de mai 68 auxquels vous avez participé en personne, c'est pas pareil. Alors émotionnellement, je ne vous dis pas, c'est pas du tout le même registre. Là, vraiment. Donc je me suis trouvée devant ce monceau de documents de police. Bon, et le premier document que j'ouvre, mais je vous assure, j'ai cru que je tournais de l'œil. Claire Osias. Non, pas Claire Osias. Non, ça je te raconterai après. Non, le premier document que je trouve, Sylvain, le père d'Arnaud. Ce jour s'est présenté au commissariat Monsieur Alain Massé, qui se dit persécuté par l'extrême droite, et vient se mettre sous la protection de la police. Nous l'avons emmené au pavillon psychiatrique de l'hôpital de la ville, où nous l'avons laissé, mais ils ne l'ont pas gardé. Ben je me dis, putain, ça commence bien, si je passe en rue comme ça, tous les copains, je ne suis pas rendue. Bon. Et heureusement que j'ai trouvé cet archive, parce que Sylvain, en question, qui est très mythomane, écrit dans ses propres textes, c'était un militant anarchiste des années 60, j'ai été arrêté par la police le 11 mai. Non, il n'a pas été arrêté par la police. Il s'est bien présenté à la police. Il était en crise de paranoïa. Il avait juste une crise. Et les copains m'ont raconté que c'est vrai. Ils sont allés le chercher au pavillon M. Bon, donc j'ai épluché toutes ces archives qui sont à un moment quand même très, très, très dures. Hein. Et il y a d'autres archives auxquelles je n'ai pas eu accès. C'est ce qu'on appelle les dossiers de surveillance personnel. Bon, et ça, je sais que ça existe pour le 19e siècle, évidemment. Et l'archiviste me dit, j'ai là un dossier, je ne peux pas vous le montrer, je n'ai pas le droit, c'est interdit. Ce sont les surveillances personnelles, mais si vous me donnez des noms, je vous dirai s'ils sont dedans. Alors j'ai donné les noms de tous les morts. Michel Raton, Françoise Routier, Sylvain, machin, je ne sais pas qui. Bon. Et elle me dit, je n'ai personne de tous ces gens. Je n'en ai qu'un, le vôtre. Ah, je dis, du pont. Je vais surtout pas le demander, parce que premièrement, je m'en fous. Je sais ce que j'ai fait. Non, c'est pas toujours rigolo, parce que, parenthèse, en Suisse, après 68, ils ont surveillé mais des milliers de gens, ils ont fait des dossiers. Et après, il y a eu un mouvement de citoyens où ils ont eu accès à leur dossier. Et Marianne Henkel du CIRA a eu accès à son dossier. Bon, c'est quand même des trucs très personnels. On s'aperçoit qu'il savait qu'il venait vous voir tel jour, telle heure, que tu sortais avec tel. Et c'était. Bon, après, elle a fait un article en disant bon, ils ont. Les fonctionnaires de police ont passé des heures à me surveiller. Finalement, on n'était pas des terroristes. Ils ont gaspillé l'argent du fonctionnaire. Et ça a été très mal pour la police suisse. Fin de la parenthèse. Alors, ce que je veux dire. Mais c'est pas très agréable, quoi, je pense, de tomber là-dessus. Ce que je veux dire par là, c'est que moi, j'ai été arrêté quand j'avais 20 ans par la police. Et on m'a présenté mon dossier, donc je sais déjà qu'il est haut comme ça. Il était quand j'avais 20 ans haut comme ça. Mais surtout, je me suis dit, je vais pas demander mon dossier, parce que si je demande mon dossier, ça va leur mettre la puce à l'oreille sur moi. Or, il faut que je sois le plus invisible possible pour faire mon boulot. Donc, je n'ai surtout pas demandé. Et d'autre part, la cause que tous ces gens n'étaient pas, c'est que les flics n'ont pas fini de reverser aux archives publiques les documents. Ils n'ont pas fini de les classer. C'est ça l'histoire. Donc, ça finira par arriver. Le délai est de 50 ans, mais pour les personnes, je crois que c'est 70 ans. C'est un peu plus. Enfin, c'est un peu plus. Hein. Voilà. Donc, je me trouve avec ces archives. Après, je me dis, il y a des gens équivalents au Trimard dans d'autres villes de France, à Bordeaux, à Nantes, les Katangais de Paris, à Lille, etc. Il faut que je les connaisse et j'ai entrepris de réclamer les archives de toutes ces villes. Que j'ai eu. Sauf qu'à Paris, j'ai pas eu tout, mais j'ai pas tout demandé. À Paris, alors je vous raconte pas, c'est des montagnes. Bon. Donc, j'ai pu faire une ébauche définitive, mais que je trouve déjà, mon point de vue déjà fiable, sur qui sont les tribards, qui sont ces gens-là. Et je vais vous raconter qui sont ces gens-là. Et pour finir, enfin, je me suis dit, bon, c'est bien beau, tu as les archives sur mai 68, hein, tu vas interviewer les copains. Et j'ai interviewé une dizaine de copains. Mais alors là, j'ai été très, très stricte sur les choix. Parce que vous savez, peut-être, que chacun reconstruit son histoire à sa façon. Et tout le monde était partout si vous les écoutez. Et moi, je sais très bien qu'un tel n'y était pas, que celui-là n'était pas au 22 mars, que celui-là raconte des conneries, que celui-là il sort chez Emao, que nanana. Donc, je n'ai pris que ceux que je savais parce que je les ai vus à la fac prendre tel et tel et être membre du 22 mars. Ou alors, par exemple, j'ai interviewé un copain maoïste formidable, très intelligent, très sympa, mais qui n'a jamais éprouvé le besoin de se présenter autrement qu'il n'est. Voilà, etc. Bon, donc quelques-uns qui m'ont apporté évidemment des tas d'éléments supplémentaires. De ces interviews, je n'ai extrait que ce qui concernait les Trimards. Ça veut dire qu'il y a des tonnes de biographies que j'ai réalisées par interview qui ne sont pas traité parce que ça n'était pas le sujet. Il fallait garder le fil conducteur de ces trimards. Alors ces trimards, c'est qui? Eh bien ces trimards, ce sont les personnages dont personne ne parle jamais dans mai 68. C'est le lumpen prolétariat. Ce sont des travailleurs précaires, chômeurs, des blousons noirs, qui vivent dans la rue, qui aiment la castagne, qui se défoncent à l'éther, à la colle, aux amphétamines, qui boivent comme des trous, qui n'ont pas peur des flics, et que nous sommes allés, un d'entre nous, du mouvement du 22 mars, est allé les chercher là où ils savaient où les prendre, c'est-à-dire qu'ils avaient leur lieu de rendez-vous sous un pont, on était en mai, hein, n'oubliez pas, c'est les beaux jours, sous un pont, le pont Lafeuillet, pour ne pas le nommer, donc, il est allé les inviter à venir occuper la fac avec nous. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en tant que travailleur, on aurait pu imaginer qu'ils se seraient tournés vers les syndicats pour faire la révolution. Pas du tout. Pas du tout. Ils se sont bien tournés vers les enragés. Parce que c'était avec les enragés qu'ils pouvaient faire cause commune. Pas avec les syndicalistes plan-plan, propres sur eux, qui soignaient l'outil de travail, etc., etc. Bon. Ne pensez pas pour autant que j'ai essayé de sortir une nouvelle figure messianique, formidable, facile à vivre, en parlant de ces trimards. Pas du tout. Je les ai côtoyés, je les ai vus. comme fille, premièrement, déjà, je vois très bien de quoi il s'agissait, et deuxièmement, même comme simple, on va dire, insurgé, évidemment que c'était des sauvages. Ils menaient une vie de sauvage. Mais ils se sont éclatés, on s'est tous éclatés, pourquoi ils ne se seraient pas éclatés? Ils se sont éclatés, alors évidemment, il n'y avait pas de limite, mais ils étaient tout le temps défoncés et tout le temps bourrés. Alors, ils prenaient les tables des amphithéâtres dans la fac, ils les brûlaient pour faire des feux de joie ou des placons de la fac. Mais c'est vrai, on ne va pas dire que c'est faux, je ne dis pas que c'est bien. Par exemple, il y a un dommage que je déplore, mais c'est nous les premiers fautifs. Il fallait qu'on fasse attention à ce qu'on faisait. Or, on avait la tête à autre chose à faire, on n'avait pas la tête à faire attention à ce qu'on faisait. Bon. Par exemple, le laboratoire d'ethnologie. Dans le laboratoire d'ethnologie, il y avait un prof, la Ferrer, qui cultivait des têtes de Burgonde, des ancêtres de Bourgogne, paléolithique, on va t'en savoir, je n'en sais rien, d'archéologie. Ils ont joué aux boules avec les crânes des Burgondes. Les crânes des Burgondes, capoussent. Fini le laboratoire d'ethnologie. Je suis triste de ça. L'ethnologie, j'aime, et l'archéologie aussi. Donc, je ne vais pas me glorifier, mais c'était à nous de faire un peu gaffe. On savait bien comment ils étaient. On leur a ouvert grand les portes, et on a eu raison. Ils avaient le droit à prendre leur part au banquet de la Révolution, comme tout le monde, et on avait, je maintiens, mais c'était à nous à faire attention aux choses qu'on considérait comme précieuses et les mettre à l'abri. On ne l'a pas fait, parce qu'on avait la tête à autre chose. Donc, c'est pour vous dire, je vous en prie, que l'on ne me fasse pas le procès que je fais de l'angélisme avec des gens qui ne sont pas des anges. Ce ne sont pas des anges, et ce n'est pas facile de vivre avec eux, mais... En attendant, nous, on a fait le pari de vivre avec eux. Et il faut vous ajouter que Sylvain, donc le père, pour ceux qui connaissent Arnaud, Sylvain, il ne lui a pas échappé que ces trimards, il faisait pas que des feux de bois, hein. Il faisait les manifs avec nous, il faisait les AG avec nous, il gardait la fac, attention. Hein. Bon, quand on a eu peur que les fascistes viennent reprendre la fac, on a dû faire des comités de, comment vous dire, garder les entrées de la fac. C'est eux qui faisaient qui gardaient les entrées. Bon. Ils avaient un drapeau noir à tête de mort. Ça vous rappelle rien? Macno. Et Sylvain, il a tout de suite vu que les trimards, peut-être que c'était pour eux, plutôt une mythologie des pirates qu'ils ramenaient. Probablement, à mon avis, c'est sûrement ça. Mais n'empêche, Sylvain, il a tout de suite vu, c'est le drapeau des macnovistes. Et ils faisaient leur manif avec ça. Alors, ils avaient des chaînes à vélo, il fallait voir. C'est tout un folklore. Mais la question, c'est que... Alors, évidemment, nous étions... C'était que des garçons, il y avait des filles. Il y avait des filles. Il y avait des filles. Mais nous étions une toute petite minorité à les défendre. Le gros des occupants de la fac, que ce soit les profs ou les étudiants, que les grosses structures, que ce soit le PSU, que ce soit... Bon, et même hors de la fac, la CFDT, tout le monde voulait chasser ces trimards de la fac. Tout le monde se disait, mais la fac est en train de devenir un bouge. Et les gens... Bon, et alors, ce qui est extraordinaire, c'est que j'ai trouvé dans les archives de police les bavardages des gens à l'intérieur de la fac à propos de ces trimards. Et ils en parlent, mais comme des apaches, comme des sauvages. Bon. Nous étions donc une minuscule minorité à les défendre mordicus. Nous avions créé à la fac une cantine pour subsister dans la fac. C'était la cantine Ravachol. Ça s'appelait Ravachol. La cantine Ravachol. Et cette cantine nourrissait les trimards, bien entendu. Bon. Mais quand il a fallu rendre la fac et que les premiers copains ont commencé à aller se mettre à l'abri à l'étranger, parce que tout le monde pensait que ça serait comme à la Commune de Paris. Bon. Mais tout ça, il faut le raconter. Elles se sont fait bien que... Donc, ils ne voulaient pas. Parce que l'UNEF, c'est quand même des gens, ils tenaient à leur respectabilité tout de même. Donc, ils ne voulaient pas. Donc, des bagarres, mais n'en plus finir. Quand on vous raconte ça aujourd'hui, ça paraît tout à fait minuscule, mais en réalité, il y avait des enjeux fondamentaux là-dedans. C'est-à-dire que si on accepte de se séparer de ces gens-là, tels qu'ils sont, et sans les reconstruire autrement, vous croyez qu'on ne va pas perdre tout le reste? Mais bien sûr qu'on va perdre tout le reste. C'est-à-dire, ou on gagne tout, ou on perd tout. Donc on a été une toute petite poignée à les défendre. Évidemment, on a perdu, bien entendu. Et puis, après, on a tout perdu. Le premier est suicidé du 22 mars de Lyon, en tout cas. Il est suicidé en notre présence théâtralement en août 68. Donc la défaite, tout le monde a bien pris la mesure de la défaite très vite, immédiatement. Et puis, on s'est aperçu que ces gars-là étaient en tôle, inculpés pour le commissaire, et donc on a fait un comité de soutien. Et ce comité de soutien, il a été très important à Lyon, même dans toute la France. Et alors, ces garçons-là, donc Michel Raton, Marcel Munch et Mougin, donc, étaient inculpés, deux sont passés en procès. À Bordeaux, il y a eu une autre histoire, et je vous en parle d'autant plus que l'un, pas des protagonistes, mais des témoins de l'époque parmi nous, donc, pourra vous en dire quelques mots de plus que moi. À Bordeaux, il y a eu un procès retentissant, on les a appelés les 14 de Bordeaux, qui étaient des gens exactement le même genre que les Trimards de Lyon, qui occupaient la trappe eux-mêmes pour prêter main forte aux étudiants, dont le chef putatif, parce que vous savez, la police trouve toujours des chefs quelque part, mais des fois, ce n'est pas des chefs. Enfin, le chef, on disait qu'il était charcutier, son métier était charcutier, Georges le charcutier. Bon. Ces gens-là ont assailli des commissariats de police et le siège du comité de défense de la République, c'est-à-dire quasiment les milices fascistes, le 14 juillet 68, ils se sont fait ramasser tout de suite et hop, déférés en cour de sûreté de l'État. Et à Bordeaux, c'est la seule ville de France où l'UNEF a décidé d'être solidaire de ces gens-là. Et donc, a payé des avocats pour eux. Donc, ils ont eu de grands avocats, dont Yves de Chézel, l'ancien avocat de Messali Hadj, autrefois, et des avocats de la Ligue des droits de l'homme, etc. Mais ils ont quand même ramassé pour 3 cocktails Molotov, ou 4. C'est rien, quand même. Ils ont ramassé jusqu'à 6 ans de prison. Vous voyez le travail ? Ça rigolait pas à la répression. Ça, c'est Bordeaux. Et puis, il y a eu les Katangais de Paris. Tout le monde connaît les Katangais de nom. Ces Katangais, on en a dressé des portraits hideux, mais ce sont les mêmes gens, encore une fois. Des lumpen prolétaires qui ne sont pas convoqués par les catégories habituelles de la Révolution. Ce n'est pas des gauchistes en carte, ce n'est pas des étudiants, ce n'est pas des syndicalistes en carte. Ils sont prévus par personne et tout d'un coup, hop, on les trouve dans les insurrections et dans les émeutes, et ils sont là, et ils participent aux émeutes. C'est qui ces gens-là? Les Katangais, qui n'ont rien à voir, les Katangais de Paris, bien sûr, avec le Katanga. C'était une image. C'est pareil, c'était des ouvriers précaires, intermittents, chômeurs, avec qualification ou pas qualification, qui préféraient taper le dur, manifester, plutôt qu'aller à l'usine toute la journée s'emmerder, au chagrin, comme on appelait ça. C'est ça, c'est rien que ça, c'est pas autre chose. Donc voilà, des gens comme ça, eh bien, il y en a eu dans toutes les facultés occupées de France. Voilà. Donc, j'ai voulu rendre visibles ces figures-là, qui sont des figures qui prennent une part importante dans les insurrections et qui ne sont pas prises en compte par les officiels de mai 68 et même les officiels des révolutions en général. On nous dit que c'est une émeute populaire. Et alors, c'est quoi ce populaire? C'est qui? C'est qui? Ben voilà, c'est des gens comme ça. C'est des gens comme ça. Donc, encore une fois, loin de moi l'idée d'avoir voulu en faire des jolies figures bien enjolivées, pas du tout. Par contre, ils ont droit à leur titre de 68art comme les autres. Ils ont pris leur place comme les autres. Ils sortaient des centres d'éducation surveillés. Ils étaient traités comme quasiment des prédélinquants, avec des horaires. On les destinait à devenir des ouvriers agricoles de la dernière catégorie en général. Ils étaient surveillés, quelque chose d'affreux. Bon, ils se sont enfuis de leur centre d'éducation surveillée pour venir occuper la faculté avec nous. On leur devait une solidarité réciproque, c'était élémentaire. Voilà. Écoutez, voilà, peut-être que ça suffit comme introduction. Peut-être dire ce qui s'est passé à Lyon, là, parce que tout le monde ne sait peut-être pas ce qui s'est passé. Tu veux dire le 24 mai ? Sur le pont, oui. Sur le pont. Alors voilà. Bon, alors le 24 mai, ça faisait déjà 10 jours qu'on occupait la trac. Et on en avait marre à Lyon parce qu'il n'y avait pas de barricade. Et alors on lisait les informations de Paris. Il y avait des barricades, ça se battait, c'était formidable, c'était génial. Et puis nous, pas de barricade. Alors franchement, on commençait à vraiment trouver que ça n'allait pas. Et donc, finalement, le 24 mai, c'est le jour, c'est le pic des manifestations dans toute la France. Le 24 mai à Nantes, pas la Confédération paysanne, mais le syndicat paysan décide qu'il est paysan travailleur. Lambert. Décide qu'ils entrent dans la danse. Donc, à ce moment-là, ils entrent dans la danse, les paysans, se joignent aux ouvriers et les étudiants décident qu'on ne va pas rater une occasion pareille pour une fois que ça se rassemble un peu, donc ils y vont aussi. Donc, à Nantes aussi, le 24 mai, ça barde. À Bordeaux, c'est le 25 mai. Ça barde. Vous occupez le théâtre. Le théâtre de Bordeaux. À Lyon, les gens se disent, il faut faire baisser la pression sur Paris. Il faut rapatrier des CRS sur Lyon pour faire baisser la pression sur Paris. Et donc, il faut absolument qu'on crée des émeutes. De toute façon, on veut se battre, on a envie de se battre, donc on va créer l'émeute. Donc, le 22 mars, décide d'une manif offensive. L'UNEF, le PSU et la CFDT décident d'une manif respectable. Et l'objectif, c'est, on va au Théâtre des Célestins, théâtre égal à l'Odéon, en plein centre de Lyon, pour faire, comme à l'Odéon de Paris, occuper le Théâtre des Célestins. Même chose qui s'est passée d'ailleurs à Bordeaux. Sauf que quand on arrive la manif au Célestin, il y a les gros bras de la CGT qui disent « No pasaran !» Pas question, on ne vous veut pas, les étudiants. Donc, le 22 mars, je ne l'ai pas fait dire deux fois, ok, hop, à la préfecture, et on donne l'assaut à la préfecture. L'assaut à la préfecture a été bien mené, les boulons, les cocktails, les matraques, les masques, tout était bien prêt. Bon. Enfin, je ne peux pas vous raconter tout le détail parce que tout est là, mais il y a eu un pont, il y a le Rhône, il y a un pont, la préfecture est là, et la manif se scinde en deux, une partie d'un côté du pont, une partie de l'autre côté du pont. On se bat, on fait des barricades, tout ça. Bon. Et puis soudain, arrive un camion. Deux camions, trois camions. Une camionnette balancée sur les flics, un autre camion, hein, et finalement, un camion. Un petit camion, je suis incapable de vous dire le volume, mais un camion de chantier, vous savez, avec la benne qui se soulève là. Il arrive plein de gravats. Bon, il arrive pour nous apporter des gravats pour caillasser la police. On n'en avait pas besoin, puisque de toute façon, on avait le bitume, on avait tout ce qu'il nous fallait, mais ça fait rien. Mais sauf que des manifestants trouvent que l'idée est formidable, et que puisque c'est comme ça, alors je crois même qu'ils ont vidé une partie de la benne, mais je ne m'en rappelle plus. Enfin, moi je l'ai vu, de toute façon on l'a tous vu. Bref, on va lancer le camion sur les flics pour nous ouvrir enfin la voie à la préfecture. Et les flics, ils reculaient, hein, ils ont beaucoup reculé. Hein, ils ont beaucoup... C'est pas très bien, ils ont beaucoup reculé. Ah, ils ont beaucoup reculé, et quand même, ils étaient en face, mais le camion, il allait à 5 km/h. C'est-à-dire qu'ils avaient 100 fois, les flics, le temps de s'écarter pour laisser passer ce camion, sans le plus petit dommage. Et notre camion, bon, on l'envoie. Et on met un pavé sur l'accélérateur. On le met en première et il avance à 5 à l'heure. Et le camion, je ne sais pas pourquoi, il a dû y avoir une bosse sur la route, bref, il dévite sa route et il va se tamponner sur un lampadaire, sur le bord du trottoir du pont. Et il reste là. On a des photos de ça. Et tout d'un coup, on entend « Repli à la fac, c'est fini, il faut rentrer. Hein. » Bon, on rentre à la fac. Et le lendemain, on nous dit « C'est parce que vous avez tué un commissaire de police. » On a tué un commissaire de police et on s'en est pas rendu compte. Juste un commissaire de police, c'est tout, alors qu'il y avait... Et le personnel médical de la CFDT vient nous voir à la fac, parce que la fac n'était pas un camp retranché, et ça s'y a communiqué énormément avec l'extérieur. Ils viennent nous voir, les infirmiers, les médecins, les copains de la fac de médecine, etc., et ils nous disent le commissaire est mort d'un infarctus. C'est que c'est pas la même, ça. Il n'est pas du tout mort écrasé par un camion, à cause du camion que nous avons lancé contre les forces de l'ordre pour nous ouvrir une place. Il est mort d'un infarctus. Mais, tout d'un coup, La situation a été transformée du jour au lendemain. Tout d'un coup, une campagne d'extrême droite et fasciste fait de notre commissaire un héros mort pour la patrie sous les coups de ces barbares de manifestants. Et en outre, et alors des obsèques monumentales avec le préfet, avec le maire de la ville, 50 000 personnes qui manifestent, un machin, bon, nous on planquait. Tout d'un coup, ils se mettent à imaginer, les flics, que c'est impossible que les étudiants se battent comme ça. Ce n'est pas possible que ce soit des étudiants qui fassent une guérilla urbaine comme ça. Par conséquent, ils ont des chefs entraînés qui sont les voyous. Mais bon Dieu, quelle est bonne cette idée-là. Comme ça, on ne va pas emmerder les enfants de la bourgeoisie qu'on risque de tomber sur le fils du flic, du commissaire de police, du juge de paix, du procureur, c'est vrai, on avait le fils du procureur avec nous. Bon, quoi. On n'y touche pas, on prend les trimards. Fils de peu, sans amis, personne ne les défendra, même pas syndiqués, à peine capable d'articuler trois mots. Parfait. Et voilà nos héros, devenus les boucs émissaires, victimes propitiatoires de mai 68. Un mois plus tard, mot pour mot, le 24 juin 68, au sortir de la fac, est arrêté Michel Raton. En tôle. Le lendemain du 24 mai, Marcel Munch, apprenant qu'un commissaire a été tué, il se dit « Oulala, ça va pas aller, je me tire à Paris ». Il part à Paris, il vient à la Sorbonne, il vient à Sancier, il vient à l'Odéon, il zone sous les ponts, ils vont l'enrager, nananana, mais il se fait arrêter trois mois plus tard, à l'automne. Et enfin, on arrête également, donc, Michel Mougin, ce jeune mineur un peu plus jeune que les autres, et tous les trois inculpés de l'assassinat de ce commissaire de police. Pendant quasiment un an, aucun d'entre nous n'a réagi, et pourtant nous avions des copains, parce qu'on n'était pas tous, même pas beaucoup, dans le milieu, pas tellement sages et propres sur nous. Donc on avait des copains qui allaient tout le temps en taule, en un mot comme en deux, et donc, dont Sylvain, entre autres. Et donc les copains vont en taule, et ils s'aperçoivent que Raton est en taule. Et vous savez qui il a comme avocat, commis d'office ? Tixier du Nez. Il est mal barré. Hein. Quant à Marcel Munch, avocat commis d'office, Jean Vuillard, militant d'extrême droite. Elle est bonne. Donc, notre Raton, Zorro, il allait dans la tôle. Oui, oui, c'est moi qui ai tué le commissaire, c'est moi qui ai tué le commissaire. Le con. Alors, première opération. Sylvain, pendant qu'il était en tôle, avec d'autres copains, commence par lui dire, Michel Raton, tu n'as pas tué le commissaire. Mais si, c'est moi. Non, ce n'est pas toi. Tu ne l'as pas tué, tu n'as pas pu faire ça. Et deuxièmement, tu ne vas pas garder Tixier Vignancourt. Donc ça, ils ont réussi, et il a viré Tixier Vignancourt, et il a pris Maître Lafiong, qui s'était beaucoup illustré comme avocat du FLN pendant l'indépendance de l'Algérie. Qui n'était pas une flèche, mais enfin, c'était quand même pas Tixier Vignancourt. Bon, ben voilà, première manche gagnée pour Raton, mais ça a pris des mois. Dans la cour de la prison, première bagarre, dans la cour de la prison. Bon, voilà, et après... Quand Sylvain est sorti et les autres copains sont sortis, un que dans ce livre il a demandé à être nommé le Canu parce que son métier était liseur de dessins dans la soierie lyonnaise, donc il se fait appeler le Canu. Lui, il est tout le temps en tôle. Donc, ils sortent de prison et ils disent, écoutez, il y a Raton et Munch qui sont inculpés de la mort de ce commissaire, il faut qu'on les défende. Et c'est là qu'on a lancé ce comité de soutien. Voilà. Ok. Il y a plein d'autres choses hein, dans le bouquin. Hein. Il y a des. Elle ne peut pas tout vous dire, sinon. Ah ouais, elle ne peut pas tout dire parce qu'il faut vous l'acheter, ouais, il faut vous l'acheter, bien sûr. Hein. Pardon. Oui, de Michel Mougin. Alors, cette mort, ça nous a glacé d'effroi, et encore aujourd'hui, elle est évidemment non élucidée. Michel Mougin avait donc 17 ans, je crois, 18 ans quand il s'est fait. Il était mineur pénal. Donc finalement, il est libéré en décembre 1969. Il est libéré et nous le joignons. Nous, c'est-à-dire le comité de soutien, on le joint. On lui écrit une lettre. Sylvain, précisément, qui est le secrétaire plus constant de toute cette aventure, c'est lui qui écrit en sortant du boulot. Et il reste un mois en liberté, il habite chez ses parents, il a un bébé, son ancienne compagne qui l'a quitté mais qui a laissé le bébé à ses parents. Bon, et ma foi, il trouve du travail. Et un jour, un lundi matin, on le trouve mort à 9h du matin, mort sur la chaussée. Et tout le monde dit, tout de suite la presse dit, suicide. Suicide à l'éther. Parce qu'il était connu pour Trimard se camant à l'éther. Suicide à l'éther. Personne n'a jamais vu la bouteille d'éther. Et d'autre part, l'autopsie qui a été faite n'a jamais parlé d'éther. Bon. Bref, il a été impossible d'accéder à une vision juste de la situation. Donc nous ne dirons pas brut de coffre qu'il a été assassiné, mais on le pense, mais on n'a aucune preuve de rien, il n'y a pas eu moyen. Et donc ses parents témoignent et expliquent tous les doutes qu'ils ont et toutes les imprécisions et les ratés. Ils ont eu accès à l'autopsie. Je ne suis pas sûre même qu'ils aient eu accès à l'autopsie. Légalement, ils ne pouvaient pas l'exiger puisqu'il était mineur. C'est ça, il était mineur. Non, mais il a déjà libéré. Non, non, mais quand il est mort, il était toujours mineur. Il n'était plus mineur pénal, il avait 19 ans, mais il était toujours mineur. Non, mais je ne peux plus vous dire le détail, c'est là-dedans. Il y a 50 pages de ses propres parents qui racontent tout ce qu'ils pensent, ce qu'on leur a dit, pas dit, etc. Et ça reste tout de même très bizarre, très bizarre, très très bizarre. À tel point que, donc Sylvain, pour toujours lui, a créé le néologisme mouginé, c'est-à-dire qu'il a écrit textuellement Mougin, Michel Mougin, ne s'est pas plus suicidé que Pinelli. Enfin, Pinelli, vous connaissez, ça vous dit peut-être quelque chose. Vous savez, cet anarchiste mort accidentellement, poussé par la fenêtre, par la police de la fenêtre. Voilà. Donc, voilà ce qu'on pense. Mais après, il faut le prouver. On ne peut pas non plus être dans le complot tout le temps, ça ne sert à rien. Mais cette mort est extrêmement suspecte. Et ça m'a souvent fait penser, par exemple, à l'assassinat de Pierre Goldman. Vous voyez ? On ne sait pas si c'est pas des... On ne sait pas. Peut-être qu'il a été... Parce que, ce que je ne vous ai pas dit par exemple, c'est que le soir du 24 mai, quand la mort du commissaire de police a commencé à se diffuser, un des témoins de cette aventure, Daniel Véricelle, qui était CFDT et PSU, Daniel Véricelle, après avoir balancé force caillou contre la police, se rend au siège du PSU de Lyon. Et à ce moment-là, il reçoit un coup de fil de la police qui les écoutait en permanence. La police leur dit « Vous avez tué un commissaire, on aura votre peau. » Donc moi, je suis aucunement complotiste réellement, mais je ne serais pas étonnée que ça soit une histoire de ce genre. Mais aucune preuve. De toute façon, la justice s'est débrouillée. On n'en sache pas plus. Pourquoi ces trois-là ? Pourquoi ces trois-là ? Parce que les trimards allemands, ça représentait combien de personnes ? Oh ben, alors, entre 30 et 100, et parfois même jusqu'à 300, ils disent certaines fois. Ils disent que sur le pont, ils étaient un très grand nombre. Pourquoi ces trois-là ? Alors, Michel Raton, parce qu'il était visible. Alors, il avait les cheveux teints en roux, une crinière rouge. T'as une croix, là, à la gothique, là, des tatouages, un peu de tatouages, de vêtements flamboyants. Et puis il se la racontait, ils ont vraiment joué un cinéma. Bon. Donc lui, tout le monde le voyait, le prenait pour une brute, il était visible, il attirait l'œil. Donc, ça veut dire que son nom a été connu, a été diffusé, dans les réseaux, chez les indicateurs, la police, etc. Finalement, ils ont identifié, on veut celui-là, Michel Raton. Bon. Michel Ratton aurait balancé Marcel Munch, mais c'est surtout que, de toute façon, ils ont pris ce qu'ils avaient. Tout simplement, ils ont pris ce qu'ils avaient. Donc, finalement, ils en ont eu trois, qu'ils ont tenus, qu'ils ont essayé de construire comme des inculpés, et ils s'en sont tenus là. Ça aurait pu être d'autres, il y en avait d'autres. Hein. Il y en avait d'autres. Alors, ce qu'il faut vous dire, c'est qu'on a continué plusieurs. Les gens du 22 mars qui sympathisaient, ils faisaient cause commune avec les Trimards, après mai 68, on est resté liés à ces gens-là. C'est-à-dire qu'ils venaient se faire héberger chez nous à tour de rôle. Ça tournait. Ils étaient à droite, à gauche, chez les uns, chez les autres. Les liens sont restés. C'est ça qui est important. C'est-à-dire que c'est pas, on n'est pas dans la simple instrumentalisation. Pas du tout. Il y a des liens qui se sont faits avec ces gens-là. Des liens qui n'ont pas changé leur vie. Il y en a un qui s'est arrosé par le feu et immolé vers 1973 en plein milieu du centre-ville. Il y en a un autre, ils ont continué à faire leur coup, à aller en tôle, à être malheureux, à, etc., à se défoncer. Ça n'a pas changé leur vie. Mais il n'y a pas eu une cassure. On est resté en communication avec eux. Voilà. Je crois que ça dure jusqu'à maintenant. Jusqu'à maintenant. Ah ah quoi, c'est un trimard. Mais tu peux peut-être nous raconter un peu Bordeaux, non? Tes souvenirs de ces gens-là. Moi, d'abord, ma passion dominante, c'est l'oubli. Ah, alors c'est autre chose. Oui. Alors, ce qui fait qu'il ne reste plus grand-chose. Oui. Par contre, ce que tu as dit, les Katangais, je suis plus nuancé que toi parce que j'ai le souvenir qu'effectivement à la fac de Bordeaux on a invité des anciens militaires du Katanga. Ah. C'était des on les appelait comme ça, c'est des ex-mercenaires. Ouais, c'était des mercenaires qui venaient du Congo. Oui, oui. C'était une province du Congo qui avait fait sécession, voilà. Et il y a des mecs qui étaient allés se battre là-bas. Pour se défendre. Mais c'était des vrais mercenaires là par contre. Ah oui, d'accord. Alors, tu vois. On avait aussi le club de Bègle, les rugbyman de Bègle. Mais à Paris, ils se présentaient aussi comme anciens mercenaires du Katanga aussi. Oui, non, mais ils étaient réfugiés sur toute la France. Mais moi, mes sources. Oui, il n'y en avait pas énormément, il ne passait la télé. Mes sources sur Paris, je n'ai pas de source de police, parce que ce que j'ai pu faire à Lyon, je n'ai pas pu le faire à Paris. Parce qu'à Lyon. Quand on vous dit, il y a une bagarre qui a éclaté au pont Lafeuillée et on a été arrêté, je sais que ce sont des trimards, avec leur métier, la façon. Mais à Paris, je ne sais pas, parce que je ne connais pas intimement de l'intérieur. Mais il y a eu des légionnaires qui ont effectivement circulé, mais pas à la fac, je ne sais plus où, mais dans le pourtour. Bon. Mais surtout, sur les Katangais de Paris, ce qu'on m'a dit, et qui me paraît probable, c'est qu'ils étaient très militarisés. Mmh. Pas forcément mercenaires, réellement, mais par contre, ils avaient une idéologie militarisée, c'est ça qu'on m'a dit. Ce qui pourrait expliquer l'aventure qui leur est arrivée aux Katangais de Paris. C'est-à-dire que vous savez que quand la Sorbonne est reprise, il y a un groupe de Katangais qui est parti dans les bois à une heure de Paris, les bois de Vernon, donc, hein, près d'Amiens, et qu'ils y allaient dans les bois pour s'entraîner à la guérilla pour reprendre la révolution en octobre. Donc, j'avais trouvé quelques grenades et un vieux fusil rouillé, c'était pas du lourd. Quelques grenades et un vieux fusil rouillé, mais. Bref, ils étaient dans un trip, j'allais dire, militaire, et un de leurs potes, ils ont trouvé qu'il enfreignait les lois de la clandestinité. Donc, ils lui ont tiré une balle dans la nuque. Ok. Simplement. Donc, ça s'est vu pendant la résistance, c'est ça. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. C'est-à-dire, en même temps, je me moque pas de lui. Il considérait qu'il mettait en danger le groupe. C'est ça. Parce qu'il avait, il n'était pas, enfin, je sais pas, oui, à l'occurrence, dans la résistance, c'était un jeune qui rentrait tous les soirs chez lui, aller voir sa fiancée, donc il pouvait être à tout moment suivi. C'est une histoire réelle, ça. Le chef du maquis, c'était Georges, je ne sais plus le nom. Gringoire. Non, mais tu parles de la résistance de 45. Oui, la résistance de 45. Oui, c'est ça. Donc, ils étaient, nous étions tous. Donc, c'est la même attitude. Mais absolument. Mais nous sommes tous des baby-boomers, hein, en gros. Enfin, tous. Enfin, en partie, les 68 ans. Pour nous, la guerre, c'était la génération. C'était juste avant. Tout le monde était hanté par la guerre. Et donc, bien entendu, les gens pensaient à la résistance. Les uns et les autres. Et donc, oui, je suis tout à fait d'accord avec toi, c'était un geste en souvenir de ce qui se pratiquait dans la résistance. Mais avant qu'ils aillent en forêt, là, tout ça, il n'y a pas eu quand même un affrontement entre les étudiants et les Katangais à Sorbonne et les certains étudiants, enfin, je me souviens plus de l'histoire, les ont virés parce que. Ils avaient été accusés de viol, de choses comme ça. Alors après, est-ce que c'est des rumeurs? Alors, il y a eu cette rumeur, mais ça, je ne l'ai pas vérifié. Ouais. Je l'ai entendu tout pareil, cette rumeur de viol par les Katangais. Mais je ne l'ai pas vérifié. Ouais. Attention, parce qu'il y a peut-être eu un viol, mais ce n'était pas forcément les Katangais. C'est comme les gitans voleurs de poules. Absolument. Donc, il faut vérifier ça. Mais cette rumeur a existé, c'est certain. Mais il n'y a pas eu un moment où l'Assemblée générale, le comité d'occupation a dit on les fout dehors, ou il n'y a pas eu une histoire comme ça? Je ne me rappelle pas de ça, mais par contre, à Sancier, ils ont refusé de les accepter. Il y en avait des... Oui, je veux savoir pour Grenoble et sur la bande à Max, les archives, comment vous avez pu raconter? Les archives, pour ce qui est de Max, elles viennent essentiellement d'un copain, camarade, militant anarchiste de son état et fils d'anarchiste espagnol tombé au biberon, qui s'est occupé de Max. Et ce copain s'appelle Nerslo, il est bien connu dans le mouvement anarchiste. Nerslo. Et donc Nerslo a soutenu Max, il a fait une brochure qui s'appelle Ad Angusta, Angustam per Angusta, je crois que c'est ça son truc. Il a fait une brochure, il a fait un comité de soutien, etc. pour Max. Mais c'est pareil, pour Max, je n'ai pas tout. Max, c'est à Grenoble. Hein. C'est un ancien légionnaire déserteur de sa légion qui a rejoint la fac occupée de Grenoble, puis a fait de la tôle, puis est revenu, puis finalement, c'est l'AJS, les trotskistes, qui l'ont inculpé. Et donc, certains, anciens du 22 mars, Nerslo est un ancien du 22 mars de Lyon, l'ont soutenu, tout pareil. Et d'ailleurs, il m'a dit, après avoir lu le livre, que Max ne lui en avait eu aucune reconnaissance. Alors, vous voyez, on n'est pas dans des portraits idylliques, loin de là. Donc, la source pour Max est essentiellement... Le comité de soutien fait par Nerslo, il y a des tracts aussi qui ont été signés par les enseignants de la fac de Grenoble en soutien à Max. Mais qu'est-ce qu'il était accusé de quoi? Je ne sais pas, c'est la JS qui trouvait qu'il n'était plus dans les clous, qu'ils n'avaient plus besoin de lui. Je ne sais pas, il avait fait un coup, je ne sais plus quel coup, je ne sais pas. Donc pour Max, c'est ça la source, c'est Nerslo. C'est une brochure qu'il a rédigée. Oui, bien sûr, tu peux la trouver au CIRA, à Lausanne. Oui, parce que tu n'as pas dit tout ce que tu avais, toutes ces archives que tu as récupérées de Françoise, tout ça, qu'est-ce que c'est devenu? Alors, tu ne les as pas gardées chez toi? Non. Les archives de Françoise, je les ai déposées aux archives départementales du Rhône, comme précédemment René Bianco avait fait pour les archives du CIRA. Je les ai déposés aux archives départementales du Rhône qui leur donnent une sauvegarde excellente, mais vraiment parfaite, parfaite. Par contre, sur ces archives, j'ai mis un délai de consultation. C'est-à-dire que si on veut savoir ce qu'il y a dans les archives de Françoise pour ce qui est de mai 68, il faut lire mon livre. Voilà. J'en ai assez d'être pillé. Non, mais les historiens, vous ne croyez pas qu'ils se gênent, hein? Ils vous recopient et puis... Hein? Alors c'est bon, ça suffit. Donc, non. Voilà. Et puis si maintenant il y a des gens sérieux qui demandent l'accès, on examinera au cas par cas. En revanche, ce que j'ai dit, Sylvain, c'est pas en revanche parce que c'est le même plan, Sylvain a déposé ses propres archives au CIRA de Lausanne. Chose que j'ignorais, et j'ai donc trouvé le complément des archives de Françoise au CIRA de Lausanne. Mais là aussi, on les a bloquées pour un certain délai. Par contre, Nerslo a aussi déposé ses archives au CIRA de Lausanne, et lui, il n'a pas mis de délai, donc elles lui appartiennent, donc ses archives, je crois, sont accessibles. Donc c'est une brochure imprimée, et puis il y a des tracts que m'a fourni le CRAS de Toulouse, de soutien à Max, et puis, par contre, je n'ai jamais vu les archives. Attention, les archives de police sur Max, ça, je n'ai pas vu. Cléma, il y a quelque chose qui me gêne dans ton discours. Tu prends une expression, les 68 tards. Oui. C'est quoi ce truc-là? J'avais un ami que tu as connu qui les appelait avec beaucoup d'humour, ça va te faire plaisir, les 68 c'est trop tard. C'est mieux. Oui, mais tout le monde n'a pas cet humour, mon cher ami. Donc, natif. Bon, moi j'emploie cette expression. Mais tu as raison de la questionner, parce que, après tout, c'est qui? Après tout, c'est qui? Mais c'est quoi? Alors, quoi, c'est plus facile à répondre. Ce sont les gens qui se sont insurgés pendant mai 68. Alors, ça regroupe beaucoup de monde. Des gens qui ne sont pas forcément mes, pour ne pas dire nos, amis. Parce que il y avait des gens qui s'insurgeaient et qui n'étaient pas nos amis. Je ne parle pas du PC là, hein. Je parle de l'intérieur du bloc, appelons-le gauchiste pour faire vite. Si vous voulez, dans les gens qui étaient favorables à une action, il y avait la deuxième gauche, PSU et CFDT, d'une part, l'UNEF, si vous voulez, d'une part, et d'autre part, les gauchistes, c'est-à-dire les maoïstes, les trotskistes, les anarchistes divers et variés, les situationnistes et quelques inorganisés. Bon. Sachant que, en ce qui concerne les maoïstes, il y avait deux versions. Il y avait la version du PCMLF qui était pro-insurrectionnel, mais il y avait surtout la version UJCML qui était contre et qui a envoyé des consignes de surtout ne faites rien. Bon. Mais, si on garde malgré tout l'ensemble de cette mouvance, ce sont ceux-là que j'appelle 68 arts. Mais ça peut se questionner largement. Ce sont ceux-là. Mais tout le monde ne voyait pas l'heure au même cadran dans cet ensemble. Attention, tout le monde ne voyait pas l'heure au même cadran. Moi, je me rappelle, j'avais un copain qui était AJS, précisément, je crois, à la fac de Lyon. Mais c'est qu'il ne me parlait plus, hein. Il ne me parlait plus. On n'était pas du tout dans le même bord. Donc, il faut voir les violences que cet événement suscitait chez les gens, en nous. Donc, 68 tard, oui, je suis d'accord, il faut questionner cette catégorie-là. Il faut la questionner. Oui, parce que, comment on peut dire, quoi, c'est un mot valise qui sert surtout à la réaction actuelle, tu vois, pour stigmatiser et dévitaliser un mouvement qui était autre chose que 68. Parce que ça pourrait être oublié aussi bien les 70 arts, ou les 89 arts. Alors, parce que c'est un mouvement ce que j'essaie de stigmatiser. Moi, je suis plus intéressée par les années qui ont précédé que par les années qui ont suivi. Parce que moi, je considère que ça a été une défaite grave qu'on paye toujours aujourd'hui. Et donc, ceux qui me disent les années 70, c'est formidable parce que mai 68 a duré 10 ans, non. Non. Mai 68 n'a pas duré 10 ans. Ça a duré 2 mois et encore. Et encore. Par contre, les années précédentes, oui, c'est la montée, ça oui. Sylvie, elle voulait pas. Moi, je voudrais juste dire quelque chose. Oui. C'est le art, 68 art, ouais. C'était le mot qui a été employé, des gens qui étaient révulsés la plupart du temps par la presse, par les autorités. Et je ferai un parallèle avec communard. Les gens de la commune, c'était des communards, c'était pas des révolutionnaires, c'était pas des gens qui ont essayé de changer le monde, c'était des communards, le art. Hein, mais des primitifs. Voilà, tribard, communard, 68 art. Moi j'entends ça, et à chaque fois quand je me fais traiter de 68 art, je dis ben ça me gêne pas du tout, mais je sais bien qui m'appelle comme ça. Donc je pense que c'est pas tout à fait une bonne idée. D'employer le terme. Ah, bah tu vois, vous êtes deux déjà. Oui, d'accord. Donc ça te paraît dépréciatif? Mais parce que c'est comme quand tu. C'est le mot des gens qui étaient contre. 64, ça a été fait par analogie aux 48 arts de la Révolution des dans la Révolution, quand on a dit que les révolutionnaires de 1648 étaient des 48 arts, on a dit en fait que c'était des gens qui n'étaient pas ancrés dans la réalité, qui avaient fait une révolution, mais sur des illusions. Oui, oui, oui. C'est dépréciatif, oui, mais pas autant qu'on le pense. D'accord. En fait, il manquait de réalisme dans leur... Oui, dans oui, leur absolument, je me souviens très bien de cette analyse. Oui, oui. Pour, donc, ça avait... Et dans le 64, c'est vrai que c'est le mot de l'ennemi, hein, c'est le terme oui. de l'ennemi, mais en même temps, il y a, c'est pas aussi... Enfin, c'est pas aussi dépréciatif, c'est-à-dire que ça reste... aussi quelque chose, un mouvement qui, parce qu'on a oublié tout le mouvement ouvrier qui était derrière, on veut gommer le mouvement de, on veut gommer l'histoire du mouvement ouvrier qui s'en prend 60 plus tard. C'est-à-dire qu'on dit que c'est une c'est une révolte d'étudiants, les 60 plus tard, c'est essentiellement, me semble-t-il, ça sert essentiellement à désigner dans l'esprit des gens, oui, le mouvement étudiant. Et on oublie qu'il y a eu toutes ces grandes grèves ouvrières. Et puis, les paysans qui n'ont pas allumé les années 68 pour se soulever. Hein. Les paysans, ça a déjà bougé déjà depuis un bon moment. Donc, en fait, 68 arts, c'est aussi dire que c'est des mouvements, on va dire, plus idéalistes sur des idées, etc. Parce qu'on veut gommer vraiment la lutte des classes. Bon, c'est ça qui est derrière ce terme. Et moi, ce qui me gêne aussi, bien c'est de d'utiliser gauchiste. Je n'avais pas. Oui, ça me gêne aussi, c'est d'utiliser gauchiste, parce que gauchiste, c'est le mot de l'ennemi aussi. C'est réducteur. Mais dire les gauchistes, ça veut dire de mettre tous dans le même paquet, tout ce qui ne serait pas, tout ce qui ne serait pas l'opposition officielle, PC. Le Parti communiste, PC, PS, en fait, c'est pas le PS, ça ne fait pas comme ça, mais enfin voilà. C'est-à-dire l'opposition reconnue, l'opposition officielle. Ce qui ne jouait pas le jeu de. Des règles politiques, quoi. On a tellement... Pardon, vas-y. Chose à cette intervention importante, effectivement, parce que j'étais surpris de vous entendre tout à l'heure dire qu'il n'y a pas eu de résultat 68, etc. Il y a eu un échec d'une révolution, bien sûr, mais il y a eu des résultats, et dans le monde ouvrier en particulier, sur les relations en entreprise ont changé considérablement, la relation entre les ouvriers et les patrons, etc. Ça se redégradait après, mais sur le coup, ils ont changé pas mal et pour pas mal d'années. Le salaire a été augmenté de 10 à 15% à ce moment-là, hein, les SMIC et tout. Il y a eu des résultats quand même. C'était des résultats réformistes. Mais c'est vrai. Mais par rapport à l'enjeu. Oui, c'est vraiment, pour le coup, c'est vraiment un lot de consolation. On va appeler ça, oui, il y a eu ça, c'est toujours bon à prendre, mais c'est un lot de consolation par rapport à l'enjeu. Oui, les augmentations obtenues, elles ont été, au bout de 6 mois d'inflation, elles étaient assez rapidement. Non, mais c'est aussi l'époque. Non, mais c'est important que vous m'alertiez sur cet usage de 68 arts. Effectivement, j'entends bien... comment il faut recadrer les... Il faut le réécrire. C'est 68 art. Oui, d'accord. Oui, 68 artistes. Art, ouais, comme du street art, il y a du 68. Mais là, 68 artistes aussi. D'autant plus qu'au niveau de l'art, ça a été extraordinaire. Oui, c'est vrai. Les murs de mai, c'est quand même... C'est quelque chose, c'est mieux qu'un ivoire en lait, je suis désolée. Alors, est-ce que quelqu'un a vécu mai 68 à Marseille peut nous en dire quelques oui. mots Oui, parce que c'est très important. Parce que là, c'est vrai que c'est pas... Est-ce que la ville était tellement tenue par le PC qu'il a tout fermé, toutes les velléités d'auto-organiser oui, mais bon, c'est pas obligé qu'il y ait des émeutes, mais il a pu se passer des moments, des choses intéressantes. Je pense. Tout ne passe pas par les émeutes. Oui, Sylvie, tu étais là déjà. Alors, voilà. Notre attention. Alors, moi, mon cas particulier, je m'étais cassé la jambe auparavant. Petite anecdote, dans les manifs, c'était en rééducation, c'était insupportable d'être debout. Et il y avait un bon copain, vous voyez ma tête, il se mal, hein. Alors on criait « Ah si, ah si !» Je vais essayer. Bon, c'est, honnêtement, c'était moins dur que les années précédentes. Par contre, j'ai vu des gens, des filles à faire, se faire matraquer. Ici à Marseille. Ah, vous, oui, vous avant. Devant la mairie de Marseille, voilà. J'ai vu les gros bras de la CGT tabasser les Josua, comme on peut maintenant passer à Marseille. Oui. Ils étaient couchés par terre, ils étaient trois ou quatre, et les types à coups de pied leur tapaient dessus. Devant la mairie de Marseille. À 68. À 68. Alors j'ai une copine qui est marseillaise de naissance. Dans le début de 68. Oui. Et qui ne vit plus à Marseille depuis longtemps. Mais qui m'a dit, et je ne sais pas ce qu'il faut en penser, vous allez me dire. Marseille est la seule ville de France où il ne s'est rien passé par rapport au reste du pays. Parce que à Marseille, on faisait des manifs et on était accueillis sur le balcon de la mairie par deux fers. Ça, c'est un code de fils. Non, ce qu'on peut dire, franchement, c'est que les forces de l'ordre, ce qu'ils appellent comme ça, donc a eu à Marseille la violence qui a été exercée dans notre ville. Ça, c'est bon. Ah, tu penses que c'est. Alors, pour quelle raison, ça, c'est une autre histoire, mais je peux pas dire pourquoi. Mais. C'est à cause de deux fers, non ? Non. Ils avaient tous disparu, les politiques, à cette époque-là. Moi, j'avais 19 ans. Oui. J'étais déjà un salarié, j'étais un employé. Moi, 68, pour moi, ça a été la rencontre. Donc, moi, j'étais un employé dans une entreprise, ça a été la rencontre avec les ouvriers. Parce qu'on s'est retrouvé au travail. On ne travaillait plus, tout était arrêté. Et j'ai rencontré des ouvriers, c'est la première fois que je parlais. Je n'étais pas militant, moi, à l'époque. Hein. Je commençais un peu à militer parce que j'avais rencontré le mouvement contre l'armement atomique. Oui, en 67. Mais quand j'ai rencontré les ouvriers, ça a été un rapport très intéressant, mais je me suis aperçu qu'il y avait des ouvriers. Moi, j'apportais un peu l'anarchie. Hein, j'étais très en retard. Je n'étais pas très avancé dans la révolte. Et justement, j'ai rencontré ce dialogue avec les ouvriers, était formidable, parce qu'on voyait justement, ils parlaient d'idées d'autogestion, d'anarchie, de trucs comme ça. Autrement, moi, les manifs, nous, on descendait. Bon, après, on ne pouvait plus circuler. On n'avait plus d'essence. Parce que j'avais déjà une voiture. J'avais deux chevaux à l'époque. Ah, t'étais riche, toi. Et j'allais au travail. Et donc, on se retrouvait dans les manifs. Et toutes les manifs, je pense qu'elles se sont retrouvées. Moi, j'ai pas vu d'affrontement avec la police. Elles se finissaient comme elles avaient commencé. On partait à pied. Comme ici, Vieux-Port. Comme celle d'aujourd'hui, Vieux-Port Castellane. Et tout le monde reprenait. Je vous entends bien, les violences. Oui, les violences ont été d'abord le fait des gros bras de la CGT, oui, c'est ça. Non, ce que je voulais dire aussi, c'est qu'il y a eu des violences policières dans les années qui ont précédé. Ah oui, très fort. Il y a eu de très fortes violences. À Marseille. Alors, Tony a bien fait d'enchaîner là-dessus. Ben, moi, j'ai des images. Bon, moi, je courais peut-être mieux. Les filles idiotes qui vont manifester avec des talons, ça, je suis désolée. Bon, ça m'a tout. J'ai jamais compris. Moi, j'avais des baskets. Mais bon, les filles à talons, ce sont celles-là qui se sont pris les coups par les flics. C'était des manifs d'ouvrières, cette 66, 67. Mais sur quel thème? Sur des contre ouvriers, cette Non, pas du tout. C'était des bonhommes qui évoluaient, disons, avec qui il commençait à y avoir quelques idées. Tu disais que c'était avant, que ça devenait intéressant. Oui, effectivement. Ah ben, les années, à mon avis, enfin, toutes les années 60. Oui. Sont vraiment très très intéressantes, mais évidemment plus on approche de 68, plus c'est et intéressant. Il y avait 62, 63, quand même dans ce qui circulait plein, dans les idées, il y avait quand même toute l'histoire de la contraception et de l'abattement. Oui, bien entendu. Et à mon avis, c'est pas pour rien que les filles faisaient quoi. Mais bien entendu, il y avait le mouvement des avortements clandestins à l'époque, bien sûr, bien entendu. Très important, qui a apparu après. Avant 68. Ah, c'est après. Les avortements clandestins. Il y en avait. Quand même, un des effets de 68, y compris les femmes féminines. Oui. C'est indéniable. Moi, j'étais à Aix, à Toulon, elles ont été surtout avec. avec les gens du droit et du GUD, et tout ça. Ben oui, là, il y avec les fachos. Il y a eu un revolver dans la fac. Un ami à moi, il avait passé une balle juste au-dessus de sa tête. D'accord. Alors, la fac d'Aix de droit, elle était connue nationalement, très, très réactionnaire. Un bastion facho, quoi. Elle l'est toujours. Ah bon, ouais, c'est pas très progressiste. Là, t'as vu le... Mais il y a eu à un certain moment, dans la fac, des assauts de l'extrême droite. Pas du tout des flics. Les flics, ils nous ont abattu un petit peu lors des manifs. Mais j'en dirais assez gentiment. Nous, on était aussi assez gentils, on ne pouvait pas faire des cas. La liaison, par contre, avec les usines, pas beaucoup d'usines. À Aix, les ateliers. Une école qu'on ne vise pas à Marseille, c'est quand même le rôle notamment du PCMN, qui est originaire pour une bonne part de Marseille, et qui a quand même du PCMN, des maoïstes organisés, on va dire, par rapport au PCMN. On avait plutôt l'UGCF. PCMLF qui est originaire de Marseille. Non, le Parti communiste révolutionnaire. Non, les Mao organisés. Si PCML. C'est parti de Marseille pour une bonne part. C'est des copains encore. C'est Cartan, c'est Jurquet, c'est des gens comme ça qui ont fondé le. Ça, je n'y connais rien du tout. Ouais. Mais c'est la vérité. Moi, j'avais une question. Il y avait des discussions terribles. Moi, j'assistais à une ou deux assemblées à Marseille, je sais pas. Et comment vous... Le mouvement du 22 mars, il y avait quand même des anarchistes, des maoïstes et des trotskistes. Non, il n'y avait pas des... Pas de Mao 22. Ah non, mais même avec les trotskistes, quand même des différents d'un passif historique. Comment vous arriviez à discuter ou vous aviez des actions en commun Je ne parle que de Lyon, parce que dans les autres lieux, les configurations sont quand même nuancées. Mais pour ce qui est de Lyon, j'ai expliqué que les trotskistes de la JCR, je ne parle pas des autres, de Lyon, donc Françoise Routier et toute cette bande, ils étaient en opposition et en dissidence avec leur centrale nationale, avec Krivine, Weber et tout, même Ben Saïd. Ils étaient, et ils se souviennent encore de Françoise, parce que dans les congrès nationaux, elle n'avait pas la langue dans sa poche et ils en ont encore un souvenir cuisant. Bon, et donc... Ils avaient déjà pris le parti d'être des marxistes anti-léninistes. Donc tu sais, marxistes anti-léninistes avec les anarchistes qui sont pas des points communs, c'était pas difficile quand même de faire, d'autant plus que les anarchistes en question étaient des anarchistes anti-fédération anarchiste. Donc, qu'avec tout ça, il y avait les situs qui jouaient un rôle important, non pas comme personne, mais comme écrit. Pour tous ces gens-là, la lecture de l'internationale situationniste qui se faisait en temps réel à l'époque, ça les rassemblait tous. Donc, si tu veux, c'était pas difficile. Ouais. Et il n'y avait pas de Mao à Lyon dans le 22 mars. D'accord. Par contre, il y avait un ou deux mecs du PSU, il y avait des inorganisés. Ça pouvait arriver qu'il y en ait un ou deux comme ça. Mais il n'y avait pas de problème majeur. Il y avait des points communs sur l'autogestion, des trucs comme ça. Bien sûr, bien sûr. Pareil, tu avais des Spontex aussi. Alors, les Spontex, mais pas en mai. Mais après, même. La GP. C'est arrivé après. Hein. La GP, et alors, avec les Spontex, on a fait diverses causes communes. Mais c'était. Il a beaucoup couvert à Anna. Bon, on a fait cause commune assez souvent, mais c'était après mai, ça. Il a fallu qu'il sache un peu ce qui se passait au pays de Mao. C'était pas le paradis. Mais c'est un peu étonnant quand même que les gens aient été fascinés par Mao. Il y a quand même eu des choses, le fameux livre, là, La moitié du monde, c'est ça, sur les femmes. C'est ça qu'il y a eu en 70. Moi, je connais plutôt les débuts des années 70. Non, la moitié, l'autre moitié du monde. Après 70, oui. le mouvement des femmes, le mouvement des femmes, écoute, c'est bien simple, le mouvement des femmes en France, hein, il commence le 26 août 1970 avec le dépôt de la gerbe de, des 7 ou 8 femmes à la femme inconnue du soldat sous l'Arc de Triomphe. Il y a plus inconnu que le soldat, sa femme. Et elles étaient 7 ou 8, dont Christiane Rochefort, Cathy Wernheim, Christine Delphier, je ne sais pas qui encore, enfin bon, bref. Et ça, c'est l'acte de naissance. Et les livres dont tu parles, ils arrivent après en rafale, tout derrière, quoi. Parce que l'autre moitié du ciel, c'était une femme, c'est une ancienne Mao qui l'avait écrit. C'est pas l'italienne, ça, Macchiotti ? C'est pas Macchiotti, mais c'est, je me rappelle plus son nom, mais je me souviens très bien ce titre. Mais par contre, à Marseille, par exemple, à l'époque où la pilule n'était pas encore autorisée, on pouvait la faire passer, parce qu'il y avait quand même un millier de médecins. Il y avait... Ça, c'est le du Mlac. Comment il s'appelait? Il y avait un mouvement très important et clandestin pour le planning familial, qui existait d'ailleurs déjà, le planning, et qui faisait les avortements et la pilule clandestinement, l'un et l'autre. Ça, c'est sûr. Ça, c'est certain, ça. Et beaucoup, beaucoup d'étudiants en médecine, et de, tu confirmes. Oui, à Marseille, le Black, c'était beaucoup d'étudiants en médecine. Il y avait... S'il vous plaît, attends. Parlez pas en même temps, on discutera après. Mais il y avait très peu de moyens contraceptifs relativement efficaces. Moi, je sais que j'ai bénéficié, mais c'était en toute discrétion. Oui. Qu'on commandait, qu'on recevait, on allait pour recevoir des conseils, et puis évidemment après les choses s'organisaient. Mais on avait besoin d'avortement, mais c'était là, il y avait tout un réseau, mais c'était absolument clandestin. Très actif. Encore très plus clandestin que ça l'a été après. Mmh. Hein, c'était un, parce que c'était un peu plus risqué, je pourrais le dire. Oui, pour en revenir au sujet qui est le livre, là. Oui. Ce que je trouve très intéressant, c'est qu'effectivement, on comprend l'histoire qui s'est passée en mai 68 d'un autre angle, d'un angle beaucoup plus réel que ce qu'on va nous embaratiner. Par contre, c'était un peu une question piège. Il en faut. Au secours. Qu'est-ce que tu penses du livre qui va paraître de Lola Messiarov? Non, là, alors. Qui est-ce? Je l'ai pas lu. Comment puis-je parler d'un livre? Vas-y, dis. Le livre qui va paraître, de Lola, raconte comme. Claire le raconte pour Lyon, mais elle le raconte pour la ville de Nantes, pour la ville de Bordeaux, de Toulouse, de Marseille, de Grenoble. Elle a fait du tour. Non, Patrick, pardonne-moi, je t'arrête tout de suite. Je suis historienne. Je travaille sur des documents, comme tu le sais, tu l'as remarqué. Et je travaille avec des sources précises, que je cite, c'est-à-dire tout le monde peut les vérifier derrière si je dis des conneries. Lola n'est pas historienne. Premièrement, c'est une star. Deuxièmement, elle n'a pas participé à l'insurrection de mai 68. Donc, son récit n'a rien à voir avec mon travail. Non. Sauf, elle a eu la bonne idée, et ça je la soutiens, de s'être tournée vers des tas de lieux de France. Ça, c'est une idée fausse, dont personne n'a jamais parlé avant. Mais par contre, c'est une reconstruction. J'en pense quoi? C'est une amie, je ne vais pas te dire du mal. Et en plus, je ne l'ai pas lu. Mais je suis certaine que ça fait partie de ce que j'appelle des reconstructions a posteriori, parce que ça fait partie de ces gens qui sont devenus révolutionnaires au milieu des années 70, ce qui est quand même le droit de chacun, tu prends le train quand tu peux, mais par contre, ce que je ne veux pas, c'est qu'on me reconstruise mai 68 en 75, ça je ne veux pas, parce que nous sommes tous morts et en prison, et Esquinté est mort en juin 68. Donc, voilà. Et donc, il s'agit d'un livre qui n'est pas un livre d'histoire, et elle dit à tout le monde, et on le verra bientôt, il sera disponible dans un mois, dans les... et je ne l'ai pas lu, elle dit à tout le monde que c'est un livre de théorie sur les idées. On verra. Et donc, elle a interviewé un certain nombre de gens sur leurs idées. Idées qui planent sur un ciel anhistorique, sans date. À voir. Sylvie. Tu me demandes, je te réponds. Ouais, on va attendre le bouquin. Je peux réagir par rapport à ce que tu viens de dire, je trouve extrêmement intéressant. C'est, on peut très bien, en effet, faire un livre d'idées. Le seul problème, c'est qu'en interrogeant des gens, y compris ayant participé là où ils étaient, hein, et de, d'une façon ou d'une autre, mais les gens, ils ont changé. Oui. Les idées, est-ce qu'ils peuvent se rappeler vraiment, honnêtement, à ce qu'ils pensaient à ce moment-là? Quand je dis honnêtement, il s'agit d'honnêteté intellectuelle. Oui. Est-ce que vraiment on a conscience? On fait tous des reconstructions. On va se rappeler de telle chose ou de telle autre. Moi, je me rappelle de trucs que j'ai trouvé très rigolos. Tout n'était pas drôle, hein, même à Marseille. Bon, il y a quand même... ça c'est vraiment problématique. Ce livre dont nous parlons et que nous lirons tous dans un mois est parti du lien de cette femme, Lola Misérov, avec des jeunes dans des groupes de réflexion politique, révolutionnaire, où les jeunes lui disaient « Mais enfin, on ne sait rien de 68, personne ne nous a jamais rien raconté. Il faut transmettre. » Voilà, c'est parti de cette exigence-là. Et donc, c'était en fait une demande et un dialogue pour les jeunes. C'est, à l'origine, c'était ça. Donc, pourquoi pas? Quand même, c'est intéressant. Bon, je dis simplement, la seule chose que je puisse dire, c'est pour ça que je me suis permis d'arrêter, c'est que moi, ma démarche est complètement différente. Évidemment que j'espère qu'il y a des jeunes qui vont apprendre quelque chose et même s'intéresser, n'est-ce pas? Mais... je travaille sur des documents d'histoire. C'est pas le même travail. Mais il y a la vie. Il y a des jeunes. Ah ben, tu non mais elle y est. Ah oui, j'ai mis là. Ça tu. Il y a pas. Elle y est. En fait, l'appel à témoignage, ce n'est pas historique. Pour mai 68. Il y a un groupe d'historiens qui a demandé à ceux qui avaient participé à 68 d'apporter leur témoignage, de raconter. Ils ne se font pas d'illusions sur le fait qu'il y a des lectures ou des façons de raconter qui sont différentes. Et rétrospectivement, tous ceux qui ont participé à mai 68 le racontent différemment maintenant qu'il y a 10 ans ou 20 ans. Bon, donc on sait très bien qu'on ne va pas prendre les choses comme ça, et qu'à un moment donné, on les recontextualise, aussi bien par rapport au moment où le témoignage est recueilli et ce qui est dit. Donc le fait de partir comme ça, de témoignage, et puis de dire qu'à partir de là, on peut théoriser... En soi, ça n'a pas... Enfin, pas ça scandaleux. Je me suis mal exprimée. Mais il faudrait, évidemment, qu'il y ait un appareil critique qui, à chaque fois... Je me suis mal exprimée. Voilà. Non, ce que je veux dire, c'est qu'elle nous a dit, mais je ne l'ai pas lu, elle dit qu'elle n'a pas, mais peut-être tu le sais. Moi, en tout cas, elle m'a interviewée. Et elle ne m'a pas interviewée sur des faits. Son propos n'a pas été de me demander qu'est-ce que j'avais fait, mais qu'est-ce que je pensais. Tel sujet et tel sujet. Ce que j'ai dit, très volontiers, j'ai participé à ce livre. Je ne suis pas. Mais je veux dire par là qu'il s'agit d'un livre sur qu'est-ce que nous pensons. Pension. Moi, je n'ai pas demandé qu'est-ce qu'ils pensaient aux gens. Claire, pensons ou pension? C'est ça la question. Alors, on va voir. On va voir. Mais pour toi, comment tu as répondu? Ben, moi, tu sais, j'essaye de me souvenir comment je pensais, en sachant qu'aujourd'hui je ne pense plus comme je pensais. J'essaye de comprendre, par exemple, mais par exemple, puisqu'on est parti du lit de l'homme, mon rapport à la violence. Exemple facile. Je n'ai pas eu la moindre question ni état d'âme sur le rapport à la violence en mai 68, ni les années ultérieures. Mes premières questions ont commencé longtemps après, peut-être 20 ans après, quand soudain j'ai pris conscience que ça m'avait coûté quand même très très cher. Très, très cher. Et puis, quand a arrivé ensuite à m'intéresser et à considérer que la non-violence, finalement, c'est peut-être intéressant dans la politique, jusqu'à... Ça m'a pris une vie. Une vie. Et, alors, donc, moi, oui. J'essaye, mais maintenant, comment font les autres? Ça, j'en sais rien, comment font les autres. Non, mais toi... Ben, moi, voilà, je t'ai donné une réponse. Hein? Je peux te dire qu'il n'était pas... Et d'ailleurs, pour moi, dans ce livre, justement, j'ai voulu, et je veux encore, quand je dois m'exprimer, par exemple, sur ces questions-là, rester fidèle. Je ne veux pas renier ce qui a été fait. Parce que il ne manquerait plus que ça. Alors là, ça serait vraiment la fin des haricots. Bon, voilà. Donc, rester fidèle. Pas original, hein. Comment ? Ce serait surtout pas original. Rester fidèle à ce qui a voulu être... Ne pas considérer que tout était bien, il y a des critiques à apporter quand je les apporte, mais rester fidèle à ce qui a voulu être, tel que les choses ont voulu être, et puis s'il y a des questions à poser aujourd'hui, les poser, en ne supposant pas que tout était parfait et qu'on n'a fait que des trucs bien, on n'a pas fait que des trucs bien. Là, détenir des armes chez soi... se faire flinguer bêtement quand on a 20 ans, est-ce que c'est tellement bien? Ça discute. Mourir pour des idées. Mourir pour des idées. Non, mais... Enfin bref, non mais, voilà. Après, ça c'est vous, vous mettiez votre vie en jeu, mais est-ce que après tu peux regretter d'avoir fait des trucs violents sur des autres? Peut-être, le débat, il est plutôt là. Après, se mettre soi-même en danger, bah ouais, c'est con. Enfin, de mourir jeune, c'est... Enfin, mais après, est-ce que y avait des groupes là qui prenaient la lutte armée, qu'on fait des trucs violents sur les gens? Alors, ça, il y a peut-être on est plus en 68. Ça, voilà. L'histoire de la lutte armée, pour moi, après chacun, bon, c'est plus du tout mai 68. C'est longtemps après. Longtemps après. Pour moi, longtemps parce que c'est un monde. 68 et les années suivantes, pour moi, c'est un monde. Bon. Mais oui, bien sûr, qu'au début des années 70, 71, 72, la gauche prolétarienne, pour ne pas la nommer, a prôné la lutte armée, bien entendu, sur le modèle notamment de la RAF en Allemagne et des Brigades Rouges en Italie. Bon, mais il se trouve que, sans doute, par chance, cette idée-là n'a pas été très loin pour ce qui est de la France, par chance pour la vie. Par chance, sauf pour le dernier. Parce que c'est la mort d'Auvernay qui stoppe ça. Oui. C'est vraiment la mort d'Auvernay qui stoppe ça. Voilà. Cette dérive qui partait comme en Italie et en Allemagne. Et voilà. Moi, je pense que ça a été... Certainement. Lui, le pauvre, lui, c'était... Un choc. En plus, Auvernay, c'était un polo. Hein. C'était pas... Un choc, pas, absolument. Ni Julie, ni tous les mecs de la gauche prolétarienne ou de la cause du peuple, qui après sont devenus nouveaux philosophes et tout. Mais c'est ça qui a fait la... Nouveau patron. Il y a eu aussi les établis, quand même. Oui, bien sûr, il y a eu les établis. Oui, oui, mais... C'est pas... Mais c'est pas la violence. Oui, mais c'est pas la violence. Ça a été... Oui, oui, c'est une autre composante. Qui me paraît intéressante. Mais oui, les établis, ils n'étaient pas que chez les Maos, ils étaient partout. Claire, tu as balayé un petit peu d'un revers de main la violence. Oui. En 68, je suis d'accord avec toi, parce qu'il y a eu je me rappelle le débat qu'on a eu, notamment à Bordeaux, sur... comment se procurer des armes et qu'est-ce qu'on en fait. Ouais. Et les bouchers, la bande des bouchers, là, qu'on connaissait bien, nous, vrai et nouveau, on a dit c'est des flics. Mais on s'est posé la question de la violence et que faire, quoi, tu vois, est-ce qu'on doit avoir des armes? On a répondu non. Bon. Ce que je peux te dire, pourquoi j'ai répondu d'un revers de main, c'est pour une... Mais c'est parce que ma vie entière a été marquée de ces affaires-là. Donc, bon. Alors, je te réponds, pour confirmer ce que tu dis, sous mes yeux et en ma présence, non pas pendant mai, parce qu'en mai j'avais 17 ans, j'étais donc lycéenne. Je n'étais donc pas dans le sein des saints des grands chefs quand ils décidaient d'une action délicate. J'étais tout de même pas informée du détail. Mais, par contre, pendant l'été 68, les rescapés du mouvement du 22 mars de Lyon, qui n'étaient pas partis se planquer à l'étranger, nous sommes restés tous groupés, tous ensemble, comme... Bon. Et là, on était à Gourgas. Gourgas, c'était une annexe. Ouais. On était à Gourgas. Ouais. Gourgas, c'était une annexe de la Borde, de Félix Guattari, et qui était tenue à l'époque, enfin on me dit que c'est pas vrai, mais je crois que c'est là, par Deligny. Oui, tout à fait. Toujours est-il que nous étions à Gourgas, et que les copains de notre groupe, nos copains, s'entraînaient dans la garrigue au tir, oui, avec des fusils de chasse. Je parle là de juillet. Bon, je n'étais pas à l'intérieur du sein des saints pendant mai 68. Comment ? Mais par contre, les copains, les proches, les intimes, évidemment, ont fabriqué des cocktails à tour de bras. Et ce n'était pas pour faire joujou. Hein. Non, mais il y a eu ce débat, je crois qu'il y aura toujours ce débat dans les mouvements sociaux radicaux, quoi. Que faire avec ce problème de la violence, qui est souvent une violence psychique personnelle et des fois une violence collective, d'incendier, ça dépend du contexte historique aussi. À la commune, ils ne se posaient pas trop la question. Oui, c'est ça. Non, mais moi, je pense que... Le 24 mai, on ne s'est pas posé la question. Quoi. Enfin, dis voir. Que ta remarque et tout, moi, c'est vrai que ça me turlupine beaucoup. Je pense que toute révolution sociale ne peut pas aboutir s'il y a militarisation. Et je pense que l'exemple, que ça soit un peu partout, ça nous l'a prouvé. C'est-à-dire que la militarisation, ça veut dire qu'on rentre dans des stratégies de guerre, c'est-à-dire des stratégies armées, de se procurer des armes, de savoir s'en servir, de monter une organisation qui soit... qui obéissent, qui soient tout ce qu'est l'armée. Donc, chaque fois qu'il y a eu l'histoire, qu'il y a eu l'interpellation, et après, absolument derrière, c'est une guerre civile, n'importe quoi, je pense que les révolutions sociales, elles ont tout le temps perdu. Et on le voit, on n'est plus dans le même milieu. On le voit au Rojava. On l'a vu en Syrie aussi. Sauf qu'en France, ils sont toujours pères. Oui, d'accord. Les Espagnols. D'accord. Mais ce qu'il faut se dire, c'est que pour moi, quand ça devient la guerre, c'est plus la révolution sociale. Oui, c'est ça. Pour moi, c'est comme ça. C'est pas la guerre qui fait la révolution sociale. Je voudrais dire quelque chose par rapport à la militarisation. Il y a militarisation et militarisation. Comment on organise une riposte? C'est-à-dire, est-ce qu'on l'organise de manière militaire avec une hiérarchie? Ou bien, on a vu... Bon, moi, je n'étais pas en 36, je n'étais pas en 68. Mais en 36, les anarchistes en Espagne, ils n'avaient pas... Ils avaient des colonnes qui étaient organisées différemment de la... c'était pas pyramidal. Donc, il y a aussi une manière de penser, la violence, parce qu'en face, il y avait la violence. Mais comment on la pense en tant qu'anarchiste? Et avec quelle structure? Et comment on la structure? Voilà. Et par exemple, l'histoire des trimars, là. Enfin, admettons, on fait de la fiction, là. Mais... c'était des gens violents, mais moi je comprends très bien qu'on puisse être violent, parce que la vie est violente quand on vient de très bas et qu'on a l'habitude de se battre pour survivre, déjà. Donc, après, comment on organise la violence? La violence, c'est pas un truc mal, ni bien. C'est comme tout dans la vie. C'est-à-dire, quelle structure on y met pour qu'elle soit canalisée, efficace, par rapport à une situation donnée. Voilà. Sans mettre bien, mal... Ça, je suis d'accord. Voilà. Effectivement, il faut démoraliser ce débat, ça c'est vrai, je suis d'accord, effectivement. D'autre part, c'est vrai que dans l'action, les choses s'enchaînent et qu'on ne se pose pas forcément toujours. Ouais. Mais, je trouve... Pour moi, aujourd'hui, la question... En même temps, moi, je parle de manière fictionnelle. Je Non, pas tu ne parles pas fictionnelle, c'est une vraie question. Non, mais ce que je veux dire, c'est que moi, aujourd'hui, mais après tout un long périple bardé d'embûches, eh bien, aujourd'hui, je m'intéresse à la non-violence. Mm-hmm. Mais aujourd'hui... Mais je peux très bien comprendre aussi les deux choses. Ouais. La question de la violence, attendez. Dans un sens que c'est, enfin, la violence est très subjective. Déjà, ça, je trouve que ça dépend aussi de la classe sociale. Par exemple, un simple sitting dans une manifestation pour un bourgeois, ça va être quelque chose de violent, par exemple. Oui. Oui. Pour quelqu'un qui se situe dans le milieu autonome, d'une certaine gauche radicale ou quoi, ben, du coup ce sera une action non violente, ce sera quelque chose. Donc en fait, qu'est-ce que c'est la violence? Moi j'ai l'impression que la violence, déjà, c'est quelque chose de très subjectif. Et à l'heure actuelle, j'ai l'impression que cette question-là, elle est amenée en fait par en haut, c'est-à-dire que par le pouvoir, par l'État, pour permettre aussi de diviser la lutte. C'est-à-dire que le pouvoir va mettre en place une question d'un côté, ben, il y a les violences, c'est-à-dire les terroristes, oui, on le voit avec Notre-Dame-des-Landes, par exemple. Toujours, bien sûr. Et c'est-à-dire ceux qui n'ont rien à faire, en gros, dans la lutte, et ceux qui luttent vraiment, ce sont ceux qui font partie d'organisations institutionnelles, politiques, écolo, machin, truc, qui sont sur place, eux avec qui on peut discuter. Mais j'ai l'impression que cette question-là, elle vient en fait d'en haut, qu'elle est diffusée en fait dans les mouvements militants. Et moi, par exemple, je suis resté quelques temps Notre-Dame-des-Landes et c'était une question pour moi qui était, mais qui parasitait en fait tout, parce que tous les mois, on avait des AG à parler de violence contre violence, de stratégie, de machin. Et en fait, j'ai l'impression que ça parasitait énormément. Et que cette question-là, en fait, elle venait pas en fait de nous, mais que en fait, elle était comme ça parachutée en fait par le pouvoir, et que c'était aussi une sorte de stratégie aussi pour diviser la lutte. Et moi, en fait, enfin, je pourrais pas condamner, par exemple, des actions dites violentes. Tout à l'heure, tu parlais un peu de lutte armée ou quoi. Moi, je condamne pas du tout. Parce que bon, moi, je pense sincèrement qu'une révolution, en fait, sans guerre sociale, ben, je vois pas comment la révolution peut aboutir. Qu'est-ce que je voulais dire? Et puis, oui, enfin, ouais, c'est une question qui est, à mon sens, super, super abstraite, en fait. La question de la violence, quoi. Parce que c'est une question subjective et... Il n'y a pas parlé. Et moi, c'est le contraire. Je ne vois pas comment une révolution peut aboutir avec de la violence. C'est impossible, parce que la violence génère des actes manqués, ce qu'on appelle en économie des coûts de transaction, c'est-à-dire des effets négatifs qu'il va falloir rattraper après. Et en rattrapant, on rate d'autres choses, d'autres opportunités, sur le plan civilisationnel, qui font qu'il va y avoir à nouveau des déséquilibres et à nouveau des nouvelles vagues de révolte et de violence. Et je crois que la grosse erreur qu'on fait, c'est très intéressant, parce que là, cette année, c'est l'anniversaire, le centenaire de la révolution d'octobre 1917, et puis on a eu la révolution de 1789 avant, et ces révolutions, on en parle beaucoup, donc de la révolution de 1917 cette année, et... ce qui est très intéressant, c'est qu'on parle toujours, on parle des révolutions. Et j'ai l'impression, souvent, qu'on ne comprend pas ce que c'est. Moi, je parle toujours de la révolution. Il n'y en a qu'une, elle est unique. On ne s'arrête jamais d'être en révolution. La révolution, c'est un processus naturel. C'est comme la révolution des planètes. Le jeu des planètes dans le cosmos. Comme dirait Blanqui. Voilà. Et si, et puis aussi non plus, si vous couplez, vous fractionnez la révolution en petites révoltes, bon, avec des guéguerres où on prend des armes pour taper, on ne réussira jamais la révolution. Et ce que vous, si petit à petit, un jour, nous, le peuple, nous nous substituons à ces rois qu'on monte dans Le Petit Prince celui qui compte ses sous, celui qui compte l'heure, etc. Ça sera parce que ça sera le fruit d'une lente maturation. Ça va se faire de manière prudente et patiente, et jamais en se battant. La stratégie est beaucoup plus intelligente que ça, et elle est internationale. Elle ne se limite pas à un État. Qui veut répondre ? Pour moi. Bien voilà. Dit que je ne dis rien de plus. Moi, je veux dire quelque chose, parce que, mais seulement par rapport à l'optimisme qu'elle a, que je trouve absolument superbe, et j'adhère aussi à cette chose de l'évolutionnisme comme ça, mais de progressisme. Mais on sait. Moi, je dirais plutôt, faisons, mais ça peut réussir ou ne pas réussir, mais faisons quand même. C'est un acte de liberté. Oui, c'est aussi comme si on marchait sur la vie. Mais c'est tout. Voilà. Mais en même temps, je ne suis ni optimiste ni pessimiste, je ne sais pas. Parce que c'est un processus vivant et on ne sait pas du tout, on ne sait pas du tout comment le processus vivant peut s'agencer. Justement, un processus révolutionnaire, c'est un processus vivant. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ça ne s'arrête jamais, le processus révolutionnaire. Attends, il y a Sylvie qui voulait dire quelque chose. Et Marc aussi. Non, je vais dire très rapidement, je suis d'accord avec l'histoire en vue de là et les révolutions. Tu l'as tellement bien dit que je veux juste dire un truc, c'est qu'il suffit de regarder ce qui s'est passé dans différents pays. Quand... une lutte armée s'installe, qu'elle gagne ou qu'elle ne gagne pas, mais surtout si elle gagne, et bien les militaires, on les a, et on ne peut plus s'en débarrasser. Et voilà. C'est tout ce que j'ai à dire. Pour compléter. Mais c'est ça. Attends. Marc. Moi, je voudrais revenir cette histoire. Il y aura chacun son tour. Oui, il y a des cas. Quel débat. Je vais revenir à cette histoire de stratégie non violente, violence et tout. Je vais partir d'un cas que je connais bien parce qu'on a beaucoup été impliqués là-dedans. Ça a été la lutte contre Superphénix à Macville. Oui. Cette fameuse manifestation, ça a été préparé pendant 2 ans. Pendant 2 ans, il a été préparé des tas de stratégies. Le but, c'était de rentrer sur le lieu et d'essayer de faire du sabotage. C'était le but. Donc ça avait été préparé. Il y avait énormément de monde à ce moment-là à Malville. La manifestation s'est mise en marche et tout, et là, patatrac, il y a un truc qu'on n'avait pas pensé. Les autodromes allemands et italiens et français et tout sont arrivés et ont commencé à tirer. Et là, ça a été une débandade, une catastrophe énorme. Il y a eu des morts, il y a eu des arrestations, il y a eu des blessés. Et ça, moi, je sais que je suis... Quand tu dis on est tous ensemble, moi je sais que je n'irai plus jamais manifester avec ces gens-là. Eux, ils s'en sont tirés, tous ceux qui ont morflé, c'est pas eux. Ça s'est passé ensuite, l'histoire de Petit A, ça s'est passé à Strasbourg, ça s'est passé à Poitiers, où on fait une manifestation contre ceux qui tentent la mer, ils se taillent, ceux qui font tout ça et tout. Donc cette stratégie que développent certains révolutionnaires français depuis des années, moi, je ne fais plus rien avec ces... Moi, en tout cas, je ne fais plus rien. Parce qu'ils n'en ont rien à foutre des autres. Si tu veux, dans leur stratégie à eux, l'autre, de toute façon, c'est à partir du moment où il n'est pas sur leur base, c'est comme dans toute guerre, c'est pinus. Voilà. Et moi, ça... En tout cas, en tant que libertaire, je respecte les gens. Non, mais voilà, et ça va loin. Et Malatesta, il a dit un truc. Si pour gagner, il faut qu'on bande des gens, ben on ne bande pas les gens. À un moment donné, ce qui fait rire un peu aussi, c'est là, par exemple, dans les médias, quand déjà, il faut oublier que la véritable violence vient du pouvoir. Et dans les médias, moi, ce qui me faisait rire, par exemple, par rapport aux manifestations, par rapport à la violence par l'âge. Je te dis, oui, bien sûr que la violence est un défi, c'est évident. Mais ça ne m'empêche pas que les modes de réponse peuvent être variés, ils peuvent se discuter. Moi, je ne suis pas l'apologie de la violence. Par contre, moi, ce qui me faisait un peu rire, par exemple, dans les médias, c'était par rapport aux manifestations, par rapport à la loi de travail. Il y avait une vitrine cassée, c'était les anarcho-terroristes, autonomes, là, c'est horrible. Alors que c'était quand même des manifestations pour éviter qu'il y ait des retours sur des acquis sociaux qui avaient été gagnés par des insurrections aussi, par des insurrections ouvrières qui, maintenant, les agglobes de maintenant, passeraient pour des bisounours. Et je veux dire, à un moment donné, faut... Si, là, il a raison, là, il y a, comment elle s'appelle, Alistair, elle avait fait un bouquin là, sur enfin, les émeutes vers fin du 19e, début 20e, les émeutes ouvrières, c'était d'une violence énorme, hein, chaque conflit. Je pense qu'on ne peut pas opposer les deux. C'est ouais, c'est non, l'exemple de Logoff à laquelle j'ai participé, où si elle avait eu la violence, on n'aurait pas gagné, par exemple. S'il n'y avait pas eu de violence, c'est-à-dire ouais. Ouais. Oui, mais ça restait une violence symbolique à Logoff. C'est-à-dire, il n'y avait pas de drame. Oui. La violence, c'était la violence de gens qui refusaient et qui ne voulaient pas céder à quelque chose. Oui, entièrement d'accord. Mais ça n'y a jamais eu une tarification de cette violence. Ouais. Parce que quand des mecs arrivent avec des armes militarisées, c'est un petit commando, c'est de la militarisation. Ça. C'est, on n'est plus du tout dans la même logique. Des années 70. Attention. Vous faites le parallèle, donc Non. Je juge personne, mais je suis parti sur ce cas-là. Non, mais quand vous dites ces gens, en fait, vous n'avez plus manifesté avec ces gens, c'est qui ces gens? C'est des gens qui prennent la lutte armée. Moi, je ne veux plus manifester avec eux. Voilà, c'est pas. Je n'ai pas connu beaucoup de personnes qui prenaient la lutte armée, même avec des armes. Avec des armes, Non, vous pouvez mal certains livres qui paraissent. Non, je pense pas. Est-ce que je peux dire quelque chose? En fait, la conférence, c'est que il y a des groupes hyper entraînés qui agressent la police et qui savent. C'est ce qui s'est passé aussi à Sirvin. Là, il y a eu. Il y a des gens qui agressent la police qui sont entraînés pour ça et qui savent se protéger, c'est-à-dire qu'il leur arrive jamais rien, et en contrepartie, il y a des gens qui, eux, ne sont pas aguerris et se trouvent au mauvais endroit, au mauvais moment, et puis voilà. C'est quand même la police, en fait, d'abord qui attaque, et derrière, en fait, la violence, elle vient d'abord des forces de l'ordre, et après, derrière, c'est les gamins. Mais ce que je veux dire par là, c'est que ce gamin, il avait 20 ans, il n'a pas réalisé que lui, il n'était pas entraîné, et qu'il... Il risquait sa vie en allant au lycée. Mais ça, c'est le discours de la police. Moi, j'ai entendu la police dire, mais il était à un endroit, il n'avait rien à foutre la nuit dans les bois. Écoutez, sa compagne a dit, il est allé, il a entendu sa plainte, il faut y aller. Oui, c'était ça. Voilà. Mais le problème, c'est que les gens qui attaquaient la police, à leur raison, mais c'est pas le problème. C'était des gens entraînés et qui savaient se protéger d'un riposte. C'est ça que je veux dire. Donc ce jeune homme, il s'est mis en danger, je veux dire. Il a payé de sa vie. Pour résumer un peu ces débats, c'est sûr qu'on ne peut pas mettre des stratégies non violentes et des stratégies violentes le même jour au même endroit. Ça, c'est totalement impossible. Ça a existé. Oui. Ça a existé aux États-Unis. Ça semble difficile comme ça. Aux États-Unis, il y a eu des manifs dans les années 70, je m'en souviens, avec des sit-ins monstrueux, avec des milliers et des milliers de gens, et d'autre part en même temps, d'autres fractions, mouvements, qui étaient offensives. Si, la manif. Ça a existé. Il ne faut pas oublier. Moi, je ne peux pas. Alors là, par contre, il y a une chose à laquelle je me refuse absolument, c'est que ce que je ne fais pas moi, je ne peux pas me permettre de juger de ce dont. Aujourd'hui, je suis en incapacité de courir devant la police. J'ai plus l'âge, et donc je ne vais pas envoyer personne à ma place. Ramasser des coups, ah non, ça je ne le ferai pas. Chacun doit s'en tenir à ses propres capacités. Et surtout pas envoyer les jeunes ou d'autres se faire casser la gueule à notre place. Je trouve ça absolument dégueulasse. Plus récemment, d'autant plus qu'on a ramassé notre dose, c'est bon. Voilà. Donc ça c'est une chose. Mais Ben, je ne sais pas ce que je voulais vous dire. Sinon que, voilà, moi je vais conclure là-dessus. Ouais. C'est vrai, on ne peut pas envoyer les gens se faire casser la gueule à notre place. D'accord. Il faut quand même... L'État réussit. Ouais. L'État réussit à envoyer les gens. On va... L'État, oui, mais l'État, nous, on n'est pas l'État. On va... Il ne faut pas qu'on soit... Bon, ben... On va vous remercier de votre participation et c'est vrai que bon, il y a beaucoup de choses à dire sur ce mouvement. Ça pose beaucoup de questions. Il y a beaucoup de questions et donc je vous engage à lire le livre de Claire. Il y a toute une partie dont on n'a pas parlé où elle parle du concept de Le Pen prolétariat, donc avec le débat Marx-Bakounine et après les trimars, les hobos et beatniks dans la littérature. Et là, je suis très content parce que dans la première version que tu m'avais donnée, je suis pas sûr que ça y était. Et tu parles de Georges Navel, donc c'est un écrivain que j'adore. Et c'est très bien qu'il... Donc c'était des gens qui étaient en armes et qui étaient en rupture avec l'usine et qui allaient ramasser de la lavande, faire les vagabonds du travail. Et en plus, c'est un très grand écrivain. Il y a le bouquin qui s'appelle « Travaux ». Justement Einsteiner qu'on en parlait tout à l'heure, qu'il y a des étudiants qui lisent pas, elle leur donne qu'un bouquin à lire parce qu'il n'est pas très gros et elle leur donne celui-là à lire. Donc j'ai interviewé Georges Navel dans les années 70. Ouais, moi j'ai regretté de ne pas l'avoir rencontré parce qu'il était dans la Drôme. C'est bien. Bon, écoutez, en tout cas, ce livre est destiné à poser beaucoup de questions. Voilà. Il est vrai, je ne peux pas me dérober à ça. C'est évident que ça débouche sur des questions qui se posent à nous aujourd'hui. Dans les livres aujourd'hui, la stratégie, violence, pas violence, c'est évident. Mais ce que je veux dire, c'est que j'ai une réponse dans mon propre cursus personnel, mais je n'ai pas de réponse générale pour tout le monde, et certainement pas dans l'absolu. Ça, certainement. Je pense qu'il y a une part qui nous engage notre propre vie à chacun. Tu vois. Est-ce que j'y vais ou est-ce que j'y vais pas? Est-ce que je prends le risque ou est-ce que je le prends pas? Je voulais juste dire, attention, au mois de février, la causerie, c'est vendredi soir à 19h. Oui. Ah, voilà.